Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Et oui, c'est nous. Tous les jeudis soirs de 21h à 23h, les Peck Avengers. Bonsoir l'équipe. Bonsoir l'équipe. J'avoue, c'est que t'as l'habitude de faire le meneur des missions, c'est pour ça. Mais pas du tout. Mais, chacun son tour. Mais en fait, on est en équipe duplex ce soir parce que Jojo est à l'autre bout. On ne le voit pas physiquement, mais pourtant il est avec nous. Il est à l'autre bout. À l'autre bout du monde. Alors pas l'autre bout du monde, mais à l'autre bout d'Amboise, quoi. Ouais, à l'autre bout du micro, dans le centre-ville, quoi. Je suis pas très loin. Non, bah non, tu es physiquement à 2 km du studio Indestar. Mais c'est t'avais envie ça, de rester au show ce soir, confortablement dans ton fauteuil. Ouais. Fauteuil de geek, hein, d'ailleurs. Oui, ordinateur de geek. Souris de geek, peut-être. Ah, mais il m'a envoyé, envoyé une photo de son setup là tout à l'heure. Oh, je suis prêt. Le mec a un écran pour les informations, un écran pour le Discord qui sert d'intermédiaire entre lui et nous. Ouais, ça va, t'es bien, quoi. Ouais, franchement, je suis bien. Du coup, Jolan sera avec nous quand même. Même s'il n'est pas là physiquement, il sera avec nous. Et on a qui d'autre? Du coup, on a Théo. Oui. Voilà, donc Théo qui a l'habitude. Enfin, si, pour le coup, si, je suis nouveau dans Peck Avengers. Tu es nouveau, oui, c'est ta première de l'année, alors. Oh, c'est un noob. Surtout que le thème, c'est sport ce soir. Et ouais, Théo, si vous l'avez connu dans. Théo, toi. Vous l'avez connu dans Get Stars, dans Starter et tout ça. Son plus grand amour. Le sport, effectivement, c'est une. Tu mets un Théo dans déjà une émission de pop culture et en plus sur le thème sport. Que fais-je? Pourquoi suis-je là? Eh ben, tu nous parles pas de voitures du coup, parce que les voitures. Bah, on va essayer d'avoir un sujet qui rassemble, effectivement, qui rassemble ma passion un minimum. On va parler de jeux de voitures, ouais, ce soir. Et sport, tu auras même un petit jeu pour nous? Ah, j'aurai un quiz, oui, tout quiz à l'heure. Un quiz de sport dont je ne connais pas les réponses. Mais heureusement, je les ai surlignés, hein, quand même. Je les ai surlignés, mais personnellement, j'aurais été incapable de répondre à ce jeu. On va voir si on est bon avec Eric pour le sport. C'est pas gagné non plus. Bonsoir, Eric. Non, c'est pas connu. Non, le sport, c'est pas non plus trop ma tasse de thé. Enfin, depuis. Alors que Jolan a fait Sport News il y a 2 ans, donc forcément, il est au taquet sur le sport. J'étais l'animateur du dimanche, moi. Mais non, c'était lundi, Jolan. Oui, bah. Lundi soir, mais bon, tu m'as compris. Le dimanche du lundi soir. C'est ça. Il t'a pas en retard sur le planning. Et toi, du coup, Eric, alors tu vas pas nous parler de voiture ni un quiz, tu vas nous parler d'autre chose. Non, des Tenkaichi Budokai. Quoi? Ça, c'est du Dragon Ball Z, si je me trompe pas. Dragon Ball Z, ouais, tout ce qui est sport de combat dans Dragon Ball. Taichi Dragon Ball Kai, il a dit. Non, il a dit Tenkaichi Budokai. C'est pas français, c'est japonais. On peut pas le dire en français. C'est le tournoi des arts martiaux en fait, la traduction française. Hein. Voilà. Parce que évidemment, ça marche mieux. Avant de se péter la gueule, à la base, Dragon Ball c'est quand même un manga d'arts martiaux. C'est ça, voilà. Exactement. Pourquoi ça s'est pété la gueule? Non, c'est parce qu'il se frite tout le temps. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, d'accord. La gueule avec des big boss. Ouais. D'accord, je croyais se péter la gueule en termes de d'IMAT. Je crois. Non, pas vraiment. Bah non, il y a aucune chance. Il y a quand même peu de chance. Il y a des légendes comme ça. C'est pas près de. J'ai réécouté le générique d'Ariane cette semaine justement de Dragon Ball Z parce que je sais pas, j'étais dans ma période Club Dorothée et du coup il y avait Dragon Ball Z. Non, c'était Dragon Ball. Avant le Dragon Ball Z, c'est Ariane qui fait le générique. Je me rappelle plus de Dragon Ball encore avant. Elle a fait celui de Dragon Ball. Là, oui, elle a fait ouais, tout à fait. D'accord. Okay. Je me rappelle que le Dragon Ball Z. Il reste dans la tête celui-là. Ah ouais, celui-là, ouais. Il est mythique. Et du coup, tu vas nous parler de la licence des Tenkaichi Budokai. C'est donc, ça. C'est des jeux. C'est des jeux et c'est tiré donc du manga en lui-même, Dragon Ball. D'accord. Quant à moi, je vais vous parler aussi d'un manga. Je vais vous parler cette fois pas d'un animé, parce que d'habitude je regarde beaucoup d'animés plus que je lis de manga, mais là cette fois-ci j'ai lu que le manga, donc je pourrais pas vous parler d'animé. Ça s'appelle Victory Knikov. Kickoff, putain, je vais pas y arriver. C'est en 4 tomes. Knikov, c'est en 4 tomes, donc c'est assez rapide. Ouais, je m'y ferai pas au truc, le fait que ça soit à l'envers quand tu. Ah, mais ça c'est manga quoi. Non, mais oui, mais tu prends le livre, en fait tu prends le livre, tu fais. Ah, dis donc, la couve elle est pas terrible quoi. Ah, bah en vrai, non, dans l'autre sens. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai un livre dans ma bibliothèque, un seul. Du coup, j'ai tous mes mangas et j'ai un livre. T'as un livre? Bah, oui. D'accord, j'ai un livre. Ok. Même et l'autre c'est livre. C'est le rouge et le noir. C'est le livre. C'est ça. Et ce livre-là, en fait, j'ai voulu le prendre et je me suis dit, putain, il est à l'envers. Ah non, c'est, ah oui, c'est pas oui, un manga. Ouais. Ah ouais, parce que tout est manga, effectivement. Bah ouais, tout est manga sont à l'envers. Quoi. J'ai tellement l'habitude de lire des mangas. Les mangas sont à l'endroit, c'est les bouquins. Non, je suis désolé, c'est pas naturel. Là, c'est la conduite à droite, quoi. Non, bah, ça va pas. Là, tu es en Angleterre, presque, c'est ça. Ouais, c'est normal. Bah, et toi, Jolan, tu vas nous parler de quoi, c'est ça? Moi, je vais parler de l'e-sport. Ah, le sport, donc en ligne. C'est ça. Ouais, le sport électronique avec les jeux vidéo. Le sport électronique en ligne dans toute sa globalité. Le mec recycle, hein, parce que dans Sport News, on avait fait un spécial e-sport où justement on avait été voir. On avait un reportage, c'était quoi? C'est sur les maisons. Comment ça s'appelle les maisons où ils s'entraînent là? Les gaming house. Ouais, les gaming house. Ouais. Ah oui, je m'en rappelle. On avait fait un sujet aussi l'année dernière. Ah bah comme quoi. Dernière. Tous les ans, il y a un e-sport. Ah mais effectivement, faut reparler d'e-sport parce que ça grandit d'année en année. Ça prend de plus en plus de place, oui. Mm. Ah bah oui, totalement. Ouais, c'est un sport en lui-même, hein, maintenant. Bah, j'avoue que j'ai du mal, moi, parce que. Enfin, après, je suis. C'est pas reconnu comme un sport encore. Hein. Non, mais alors, non, moi, ça, c'est pas ça qui me gêne, en fait. C'est le terme sport, pourquoi pas. Ah ouais? Ouais. Non, moi c'est pourtant, pas ça, c'est aller voir une compétition d'e-sport, franchement, ça me ferait pas kiffer quoi. Il y a quand même une préparation physique et mentale à faire avant de. Oui, parce que physique, pour accéder au. Oui, mais c'est ça, parce que. C'est pas n'importe quel péon qui peut s'amuser à battre. Non, c'est sûr. On est d'accord, et puis on appelle les jeux d'échecs du sport, donc pourquoi pas l'e-sport. Oui. En fait, c'est pas ça qui me gêne, c'est juste que je me dis, aller voir. Alors, je suis pas du tout sport hein, pour l'anecdote, mais aller voir un match de football, encore, je me dis, voilà, il y a du sport. Spectacle, il y a des gens qui courent, c'est vivant. Là aussi, si tu veux. Allez voir. Il y a quand même du spectacle parce qu'il y a toujours un peu d'adrénaline et de. Ouais, mais tu vois des gens sur un écran, quoi. Enfin, t'as des écrans géants, tu regardes le truc sur un écran. Ouais, tu vois pas que les mecs, hein, tu vois quand même ce qu'ils font. Oui, sur les écrans. Ouais. Tu vois ce qu'ils font, c'est commenté en direct, comme nous on est en train de faire en ce moment d'ailleurs. Donc, c'était quand même. On est en train de faire des soirs. Il y a quand même une organisation assez. Comment dirais-je. Monumentale. Ah non, mais c'est pas l'organisation qui me pose problème, c'est juste que je me dis, aller là-bas, ça me ferait pas kiffer. Mais c'est comme. Alors après, si je fais le parallèle avec la musique, aller voir un groupe de rock sur scène avec des guitares et des gens qui sautent dans tous les sens, oui. Aller voir un DJ derrière ses platines, non. Enfin, ça ne m'émeut pas. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Non, mais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est vrai qu'il doit y avoir un côté ennuyeux, parce que moi, perso, quand je regarde un jeu, au bout d'un moment, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est j'ai envie d'y jouer, quoi. Pousse-toi, laisse-moi ta place. Mais vous êtes beaucoup à aimer. Regardez notamment sur Twitch hein. D'ailleurs on est sur Twitch ce soir en vidéo, vous pouvez aller sur là, c'est nous qui Insta regarder, Radio mais vous pouvez nous regarder effectivement dans notre beau studio. Qu'est-ce qu'on est beau. Je sais que vous êtes nombreux à regarder des personnes, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc., des personnes qui jouent à des jeux vidéo et pendant des heures, tu vois, il y a plein de gens qui aiment bien regarder ces Notamment Jolan, tu en fais partie, enfin tu fais partie d'un jeu. Je fais partie de ces viewers comme ils disent, les streamers. Ouais. Tu joues à GTA RP et il y a des gens qui vous regardent jouer. Oui, entre autres, je joue à ça et puis je joue aussi à League of Legends, un jeu qui est vachement connu dans le monde entier. Ouais. Oui. Il a plus de 20 ans maintenant et il y a des compétitions qui sont organisées par Riot Games et il y a plein d'équipes du monde entier qui s'affrontent. Donc c'est un jeu qui est regardé par des millions de téléspectateurs. J'ai pas les chiffres exactement, mais c'est le Super Bowl du e-sport, quoi. C'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Et en plus, il est dans le record. Il est placé que deuxième. Donc il est encore plus gros, ouais. C'est qui? C'est Clash Royale. Il est encore plus gros. Ouais. Hein? Clash Royale le premier? Le premier c'est Counter Strike dans le classement que j'ai trouvé. Counter Strike. Bah je connais Counter Strike. Ouais. Tout le monde connaît, mais je pensais pas que. Mais il l'a spoilé lui-même du coup. Il attend même pas son sujet, lui il balance direct. Voilà. Ouais, non mais c'est un petit. Ouais, bon. Est-ce que tu veux balancer la musique aussi pendant que tu y es hein? Je la connais pas si c'est moi qui fais le conducteur, mais. Oh l'autre, il fait le conducteur. Ok, d'accord, pas de problème. C'est le titre Skinny Love, donc c'est Rihanna de base. Alors non, Non, c'est Diamonds. Non, alors du tout. D'accord, ok. Alors Skinny Love, c'est Bonnie Iver en fait, le titre original. Ah, pourquoi j'ai Rihanna moi? Je sais pas, parce que Diamonds de Rihanna, c'est un autre titre qui n'a rien à voir, hein. Franchement. Shine bright like a diamond. Oui, okay. Voilà, c'est ça. Alors du coup, c'est Jolan qui a fait le conducteur, c'est ça? Je suis désolé, j'ai dû me tromper quelque part. C'est là qu'on reconnaît la patte du Jolan. Tu vois, il est toujours avec nous, même quand il n'est pas là, il est avec nous. Et c'est Alicia Marie qui reprend donc Bonnie Iver, Skinny Love. Il y avait une chanteuse, une petite meuf aussi qui avait repris cette chanson. Il y a pas. Birdie, elle s'appelait. Birdie. Ah oui, j'aimais bien Birdie. Tu connais? Ouais, ouais, ouais, c'était une anglaise. I'm like a bird. Ouais. Non, non, ça c'est Nelly Furtado. Mais non. Tu préfères sa voix. Bah, du coup, on écoute. Quoi? Tu préfères sa voix à la mienne? PK Avenger sur Indestar. Ah, mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Effectivement, les PK Avengers, c'est pas des robots, mais bon, enfin, pour faire le sport. Tard, jusqu'à très tard, voilà, dodo. Hein. Ouais, ouais. En ce moment, c'est boulot, dodo. Boulot. Boulot. Et dodo un peu ? Peut-être bah, un peu dodo, quoi, deux minutes, quoi. Non, mais t'as le temps de faire du dodo. Non, mais on pense à vous qui habitez en métropole, parce que là, depuis. Enfin, c'est pas depuis, c'est à en partir de ah, samedi. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, à part nous écouter, vous pouvez pas faire grand-chose. Exactement. nous, on a de la chance, pour l'instant, on est épargné, mais on peut continuer de vous faire vous ambiancer le soir et faire de la radio. Oui, mais surtout jusqu'à que ça, quand ça se rapproche, je sais pas si vous avez vu les infos ce soir, mais ça se rapproche, c'est passé. Il y a le Loiret, va passer en rouge. Donc ça se rapproche fortement. On rappelle qu'on est en Indre-et-Loire, donc c'est. Si un jour bah, il n'y a plus de radio le soir, vous comprendrez pourquoi. On fera comme Jojo, hein, on sera tous par Discord, on essaiera de faire un truc. Hein, mais, ouais. Ça sera moins. Pas de soucis. Moins écoutable, quoi. Pas de soucis, la semaine prochaine, il y a la fibre. Ah oui, c'est vrai que ça y est, la fibre arrive chez toi. Ouais, ouais. Ah bah, ça va faire un bien. Ça va nous encourager à faire du sport, ce Dion. Tu le sens là, le. Non, alors là, non, toujours pas. Ouais, non, du coup, vraie question, qui fait du sport ici? Voilà. Joker. Sinon, Jolan. Je sais pas de quoi tu parles. L'apéro, ça compte? L'apéro, c'est un c'est un sport culturel. Ah mais l'autre fois dans on a fait une émission à Blanc d'Actu Solide, c'était avant de commencer la saison, hein. Ouais. Et on s'est dit bah comme record, on va faire des pompes. Je suis pas capable de faire plus de 3 pompes et encore il paraît qu'elles sont même pas correctes. Non mais voilà, alors qu'Antoine il en fait 20 comme ça, je comprends pas moi. Ah mais il fait pas correctement aussi, je m'en rappelle. Si, il fait bien. Si, il faisait bien. Alors Antoine il est tanké, faut pas croire. Bah oui, non mais moi 3 c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bref. Ah bah, est-ce que c'est vraiment peut-être utile? Non mais c'est la première chose que je me dis. Là dans l'autre t'as pas tort, effectivement il y a pas grand intérêt. Mais c'est ça, t'as plein de monde qui dit ouais tu devrais faire un peu de pompe, mais pourquoi en fait? Pour faire de la radio, pour bouger mes boutons plus vite. Mais c'est ça, à quel moment je vais me dire ah c'est bien. Est-ce que ça va te sauver la vie peut-être plus tard? Parce que dans ton taf t'en as besoin peut-être. Comme le théorème de Thalès, jamais j'en ai eu besoin dans ma vie, et bah là faire des pompes c'est pareil. Tiens je connais. Oui, après, mais tu le connais, mais à quoi il te sert? Après, il y a un intérêt à rester en forme quand même, à faire un peu de sport, c'est rester en forme. Ah oui, après, oui. Bon. Ah oui. Mais il reste en forme quand il fait de la marche. Oui, voilà. Ou des défis pour une des stars. Exactement. Parce que de la marche, pas vraiment non plus. Hein, mais... Et du coup, t'en as fait quand t'étais plus jeune du sport? Bah, obligé, parce que déjà, collège à lycée, ouais, hein, voilà. Comme tout le monde. Non. Tu sens la sentence, le obligé. Ah bah oui, clairement, c'était pas une partie de plaisir. Tu sais, t'avais les mecs dans la classe qui étaient là. Oh, au sport! Les douches et tout, c'est bon. Non, moi non, clairement pas. T'en avais un que tu préfères, enfin, que tu détestais moins que les autres. L'escalade. L'escalade Ouais, l'escalade, ça va. Pourtant, faut de la force dans les bras là-dedans et dans les jambes. Oui, mais non, j'aimais assez l'escalade, ça passait quoi. Ah, mais par contre, non, il y a plein de sports que je détestais. Alors, il y en a où j'étais pas hyper mauvais, style, tu sais, l'endurance. J'étais pas mauvais en endurance, mais c'était horrible quoi. Et alors, un truc que j'ai horreur, et d'ailleurs, ça m'a traumatisé, c'est la piscine. La piscine. Ah bon? Mais non, mais. Avec les mobiles, c'est sympa qu'ils aient. Par contre, la piscine, sur moi. Mais oui, non, mais alors, la piscine, en fait, à chaque fois, tous les ans, ils te mettaient la piscine. L'hiver, au mois de février, à 8h du matin. C'est bon ça, quand tu sors, t'as les... Mais c'est ça, t'as les trucs qui gèlent, t'as les cheveux qui gèlent. Et à 8h du matin, en hiver, quoi. Mais pourquoi, tu vois? Et moi, ça m'a traumatisé, cette histoire. Ce qui fait que maintenant, je vais à la piscine, mais c'est que l'été, les piscines découvertes quand il fait beau, quoi. Avec 28 degrés dedans et 28 degrés à l'ombre. 28 degrés à dehors. Clairement. Voilà. Ah, moi, je suis d'accord, en vrai, la piscine, c'est le truc que je détestais le plus au monde. Hein. Bah ouais. Et celui que tu préférais, du coup, c'est quoi, toi? Celui que je préférais. À part la sieste. À part l'e-sport aussi, parce que je suis est capable de le sortir, ce con. Parce que, en vrai, quand j'étais au collège, j'étais un vrai geek aussi, donc. Ouais, bah. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Tu peux être geek et sportif. Ouais, c'est vrai. J'aimais bien le basket à l'époque. Ah non, ouais. Ah, ce sport. Moi, tous les sports collectifs, alors bizarrement, j'aimais pas les gens. Hein. Yes. Et. Il y a des choses qui restent aussi. Quand les sports collectifs, alors, pouvais pas. Moi, je commentais les matchs pendant les matchs de basket. Ah, chacun sa place. Hein. Mais en plus, j'y pigeais rien. Il faut des arbitres, parce que dans tous les cas. Oui, mais j'étais mauvais aussi. Ah, il a marqué le but dans sa panier, Yann. Ouais, c'est pareil. Pardon. Il a tiré au pied, donc c'est bon. Voilà, voilà. Non, mais sinon, j'ai fait un peu de multisport, mais parce qu'on m'a forcé quand j'étais gamin. Ouais. Et après, j'ai fait un peu de tennis de table, de ping-pong. Quand. Parce que pour. Aussi, ouais, mais c'était un peu pour se débarrasser de moi. C'est quand voilà, c'était après l'école. Ma grand-mère, une fois par semaine, elle me disait comme ça, voilà, j'ai pas besoin de m'occuper du goûter, tout ça, il va aller faire du tennis de table. Ouais, d'ailleurs, en parlant de tennis de table, on fait des gros bisous à Mathis, qui peut pas être là encore avec nous, mais qui sera peut-être là la semaine prochaine ou la semaine d'après, mm-hmm. qui lui fait du tennis de table. C'est vrai, lui a continué, il a persévéré. Il est pongiste. Pongiste, ça s'appelle ? Ouais, on dit pongiste. Ah ouais ? C'est plongiste, quoi. Ouais, moi ça me fait penser à ça, t'es pongiste dans un bar cet été ? Ah, c'est la vaisselle, ça y va. Donc t'assiteras bien tes balles et tes raquettes, hein. Oui. Tu penseras à nous, Mathis. Oh, ça me fait penser à une anecdote. J'avais un pote qui faisait du tennis de table aussi, et des années plus tard, tu sais, on veut faire une partie. J'avais complètement oublié comment ça marchait, ça, hein. Mais le mec aussi, tu vois, et à chaque fois il perdait face à un autre pote qui avait jamais fait ça en club, hein, et il était là, ouais, mais ça c'est la raquette parce que tu vois elle accroche pas, c'est pas professionnel. Mais non mec, c'est parce que t'es une merde, c'est tout. Il y a toujours un mec comme ça, ouais. Oui, je crois que dans tous les sports il y a ça. Quand t'es pas bon, il y a un gars, il va se... bah, dans l'e-sport par exemple, il y a souvent le gars qui dit, oh putain mais c'est la manette, elle marche mal. C'est ça, mais bien sûr. Mon cul, tu m'as refilé ta manette qui marche pas. C'est la connexion qui flanche. Mais évidemment. C'est les mecs qui balancent la manette après, et forcément elle fonctionne plus à un moment donné, la manette. Et du coup, à part l'e-sport, c'est quoi que tu préfères, Joël? Là, il a dit. J'ai dit le basket. Le basket, ah, le basket, ouais, ouais, mais t'étais bon dedans. Ah, il n'y a pas dit qu'il était bon. Ouais, mais... j'ai des bonnes notes. Parce que t'es grand. Ouais. Oui, aussi. J'avoue, c'est un gros avantage. Ça peut aider quand tu fais 1m20, ah ouais. Le basket, c'est. Et ben, je faisais 1m20, et justement, il était vachement haut le panier. C'est ce qui correspond plus à la hauteur d'une table de ping-pong. Voilà. Oui, exactement. C'était plus à ma hauteur, tu vois. Tennis trop haut, tennis de table, ça va. Avec un petit tabouret quand même, hein, histoire de. Et toi, Eric, du coup, t'en as pratiqué les sports quand j'étais très jeune. C'est-à-dire le siècle dernier, n'est-ce pas? J'ai fait. Le siècle, carrément. Ah, bah moi aussi, hein, en même temps. Excuse-moi, c'est pas faux. C'était pas si loin, le siècle dernier. C'est le siècle dernier, on est au 21ème siècle. Il y a une vingtaine d'années déjà. Ouais, c'est ça. En 76, c'est pas siècle dernier. C'est pas tort. Oh là là, ça va, toi. Quart de siècle, je te rappelle. T'as fait de la gymnastique. C'est vrai. Et j'étais médaillé. Ça, c'est cool. Un champion en plus. Non, attends, exagère pas non plus. Mais j'ai eu quelques médailles. Bon, après, ça s'est vite arrêté. Parce que après. Une flèche dans le genou. Classique de Skyrim. J'ai déménagé puis avec mes parents, puis voilà, donc ça s'est arrêté. Ouais. Et après, bon, à l'école, j'ai pas forcément de bons souvenirs des séances de sport. Mmh. Donc, bah parce que t'es sous la contrainte déjà. Déjà d'une, et puis il y en a surtout une qui m'a fait détester le sport encore plus. C'est l'accident que j'ai eu en sport. Et le prof était, franchement, était un idiot quoi, de nous faire ça. On était en saut en hauteur. Ouais. Fallait faire un Fastbury. Ça c'est pareil, les sauts en hauteur. Moi au-dessus d'un mètre, c'était bon. C'est pareil, voilà. C'était ma taille. C'est le saut en dessus. Sauf que pour bien faire le geste, ils nous avaient foutu des cerceaux par terre. Ouais. Ouais. Donc fallait mettre, fallait courir chaque pied dans un cerceau. Et quand t'es pas bon. Tu glisses sur le cerceau et tu tombes la tête bien prise comme ça sur la nuque, et ça m'avait fait un mal. Bah oui. Mais un mal. Je l'avais insulté. Je me rappelle que j'avais insulté le prof. Donc voilà, depuis le sport, non, c'est pas mon truc. Non. Je comprends. J'aurais rêvé de faire du sport automobile, moi, mais c'était trop cher. Quoi. Ah ouais, la même. Et puis à l'école, ils voulaient pas. C'est j'ai bizarre. Un cousin qui a fait ça. C'est bizarre. J'ai un cousin qui était pilote. Moi, j'en fais généralement le week-end sur Mario Kart. Ça va. Non, mais en vrai, tu sais, faire pas des trucs de fou, hein, mais un petit peu de. Rallye 4L ou ce genre de choses, j'aurais kiffé quoi. Ouais, d'accord. J'ai un cousin qui faisait pilote avec des voitures Twingo remasterisées. Enfin, moi j'appelle ça des Twingo améliorées, on va dire. Ouais. Mais du coup, il a pas fait long feu parce qu'il conduit comme un pied. Hein, il y a pas de secret, il est mauvais. Comme quoi. Moi, mais t'es riche, le donc tu pouvais se permettre. Ouais, bah c'est ça. En fait, faut être riche, le sport automobile ça coûte cher, c'est clair. Même sur des petits trucs, je m'étais renseigné, mais c'était trop cher. Ouais. En même temps, je n'aime pas trop ce cousin. Ouais. Anecdote quand même, tu parlais de gymnastique tout à l'heure, Eric. Mon père, quand il était jeune, n'était pas plus sportif que moi, hein, très clairement, cette famille. Donc déjà, il était inscrit parce que ses parents l'avaient forcé à être inscrit dans un club de foot. Et en fait, bah, pour pas décevoir ma grand-mère, il allait tremper son maillot dans la boue, tu vois. Avant de retourner à la maison, histoire de dire oui, j'ai fait du sport, maman. À l'adolescence, il avait confondu en fait la gymnastique, c'était stage d'été. Il s'était dit ouais, je vais m'inscrire dans un stage d'été gymnastique, ça va faire plaisir à mes parents, ça me déplaît pas, je vais le faire quoi. Et en fait, il avait confondu gymnastique et justement, comment on appelle ça, endurance quoi. Ah ouais, et il, et la même chose. Il s'est retrouvé avec des gars qui avaient envie de faire ça, tu vois. Les gars qui étaient là, ouais, on court 15 km, c'est parti. Et mon père qui était là, c'est-à-dire. Pourquoi pendant 15 jours ou 3 semaines. Allez-y, courez, moi je prends la voiture, je vous rejoins à l'arrivée. Ah, mais et du coup, il l'a fait. Il a compris sa douleur. Mais ouais, il était obligé en fait parce que c'était si tu veux, c'était un comment dire, un vacances d'été à dans un endroit, je sais plus, mais à l'extérieur de chez lui, pas dans la même ville. Allô. Donc une fois qu'il était là, si tu veux, quand t'es pendant piégé. 3 semaines à courir tous les jours. Putain. Et limite, tu te croirais dans l'armée quoi. Ah bah oui, c'est mais c'est ça. Bah, le tu premier... l'as fait d'ailleurs au passage. Le premier jour, il arrivait avec 2 heures en retard. Bon, moi j'étais dans une catégorie qui faisait pas vraiment de sport. Ah d'accord. Ah bah les sous flanqués. Enfin, surtout que dans le bâtiment où j'étais, c'était dans les sous-marins pour faire du sport. C'est pas facile. Déjà, il y a pas beaucoup de place. Les pompes, tu peux faire. Comment ça, il y a pas de terrain de basket. À la limite des pompes, tu vois. Donc ouais, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Si on pouvait faire du vélo d'appartement. Ouais. Tu vois pas beaucoup passer le paysage. Hein. Du vélo sous-marin, c'est ça. Et du rameur, ça va vachement t'aider. Ça permet d'avancer plus vite. Si le sous-marin est cool, tu peux ramer. C'est ça. Donc voilà, donc c'était si un moteur lâche, les seuls trucs qu'on pouvait faire. Et puis à part soulever des haltères. Ouais. Mais moi, si je veux me désaltérer, je prends une bière. Exactement. Bah, je vais rééquilibrer la balance du coup. Moi, j'étais sportif dans ma jeunesse. Putain, un temps. Ouais. Après, il y a du bide qui est arrivé. Hein. Ah ouais, après j'ai été papa, c'est fini. Après, la boulangerie a tout achevé. Ouais. Attends, t'étais papa, mais c'est quoi l'excuse là? C'est pas toi qui as porté le bébé là? Oh, mais si. Si. T'as fait de la grossesse, ça arrive ça, chez les mecs. Ouais, c'est ça, il y a un lien comme ça, ouais, apparemment. Au plus la femme grossit, au plus la. Oui, pareil. Ça, c'est quand t'es très attaché à ta femme. Ouais, c'est en osmose. Mais j'étais attaché avec une laisse en fait, c'est pour ça. Mais avant ça, je faisais du sport et j'en faisais même 3 en club, pas forcé. 3 dans la même semaine. Ouais, j'étais volontaire. D'accord. Ouais. Ah oui, t'as fait de la capoeira, c'est vrai. J'ai fait de la capoeira, je faisais du foot et du badminton. Non, le foot c'était pas en même temps. Mais d'accord. Je faisais de la capoeira, du badminton et c'est quoi le dernier? Oh, je sais plus. Même plus de ce qu'il a fait le mec. Parce que du coup, moi j'aimais bien changer les sports en fait, faire des trucs de. Enfin, des trucs. Alors, badminton, j'étais bon, j'ai été classé dans les régionales. Ah ouais? Ouais, j'étais deuxième ou troisième en duo. Tu veux dire que dans la région centre, t'étais deuxième ou troisième? Ouais, j'étais bon. Mais chez les petits quoi? Non, chez les adultes. Ah la vache! Ah, mais en fait, on a un affaire à une star! On dirait pas comme ça, mais c'est un grand sportif. J'étais dégoûté, j'avais même pas de médaille. Enfin, quand t'es classé, en fait, t'as pas de médaille. D'accord, mais t'as ton nom quand même qui est affiché sur un écran et tout. Enfin, je sais pas. Tu parles de toi à la télé et tout. Non. Non. En prime time. En PM, on s'est fait éclater contre des gars. Putain. Jean-Pierre Fernaud. Non. Il y avait 2 gars des provinces du Nord. Ils nous ont éclatés. D'accord. Bon, c'est avec mon partenaire. Ah non, mais ça m'épate. Il m'épate. J'ai été aussi bon dans les échecs. On va dire, on change de catégorie. Oui, les sports culturels. Oui. Et bon, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, les sports culturels, ça compte aussi. Comme faut de l'entraînement, faut s'entraîner. Alors, les échecs, faut juste jouer, hein, clairement. T'as été classé en régional? Non, mais j'ai fait des tournois. Et j'ai. Bah, le seul tournoi que j'ai fait, j'ai été deuxième. D'accord. Ah, c'est toujours le deuxième, hein, c'est pas. Ouais, j'ai jamais été premier. Voilà. C'est une petite star, quoi. C'est ce qui s'appelle un échec. C'est exact. T'aimais les maths? Ouais, j'aimais beaucoup les maths. Échec et maths. Échec et maths. Voilà. Du coup. Je faisais échec et maths au collège. Ok. Par contre, ce que je faisais pas au collège, c'était écouter de la musique. Et ça, c'est un gros tort. Ah oui. C'est pour ça qu'on se rattrape sur Indestar en écoutant Jeff et Ed, leur titre Moisson de révolte. Ouais. Ouais, parce que Révolution et tout. Ouais, Révolution. Jeff Lynette, c'est un groupe alors qui date un petit peu maintenant, mais c'était des amis de mes parents, des amis de mon père. Ah. Donc t'as Jeff. Ils aimaient le et sport. Et la fille s'appelait Edwidge, donc Jeff Fenned. Et le titre s'appelle Moisson Dragon. Il est Potter. Où? Il est sûr. Une star. Peck Avenger, c'est comme. Dans H. C'est marqué quoi dehors? Salle d'attente. Et ben voilà, y'a pas marqué salle où tu caches ta race. Mais en différent. Pas mal ce jingle, j'avais jamais entendu. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans les Peck Avengers le jeudi soir de 21h à 23h sur Indestar. Et la série H que je regarde en ce moment, je suis à la saison 4, dernière saison déjà. La quoi? La tristesse. La série H. H? Ah, ah oui, ouais. L'extrait qu'on vient de passer là dans le jingle, c'est extrait de la série H. Jamel Debbouze en H. C'est une vieille série ça aussi. Moi c'est 2000 entre 98 et 2002 je crois. Ouh les poupères. C'est pas mal. Ouais, c'est... Il y a une vingtaine d'années quand même. Et je suis en train de me refaire toutes les saisons et je suis déjà la dernière saison. Voilà. Moi j'ai une petite question. Ah bah Jolan est avec nous, c'était ça la question. Ah bah voilà, on est toujours avec nous. Oui, je suis là. Hein, petite vérification quand même. Pour cette émission spéciale, enfin pas spéciale mais avec thème sport. Du coup, on a parlé beaucoup du sport qu'on a pratiqué, mais est-ce qu'on a parlé beaucoup du sport qu'on regarde? Je me pose la question. Ah, ça ne va pas être plus. Est-ce qu'on suit du sport? Le sport à la télé, tu veux dire? Le sport qu'on a suivi à la télé ou que, comment dire, qu'on a regardé en manga ou en animé ou quoi que ce soit. Parce que là, justement, dans ma base de données, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un manga, effectivement. Enfin, il y a plusieurs mangas de sport qu'on a regardé quand on était jeune. Et il y en a un qui ressort du lot. Celui-là, avec ce petit opening. Ah, je me suis dit, il faut le mettre. Je n'entends pas. Bah c'est pas grave. Je peux pas mettre plus fort. Je te le chante. Ça fait pop pop pop. C'est quoi? C'est Olivier Tom, non? Oui. Bien, Capitaine Tsubasa. On va se le laisser un petit peu. Hein, quoi. Ouais. Faut profiter. Faut attendre le bon moment. Parce que ça c'est le moment où ça nous intéresse pas d'habitude. Ouais. C'est au moment où ça pète que. Attention, c'est parti. Attention. Et à tous en ton cœur. Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Tom, Olivier. Et c'est la chute. C'est vrai. C'est vrai que cet animé-là a marqué une génération en ce qui concerne le foot. Ouais, même qu'en ce qui concerne le foot, même moi, c'est sorti avant ma génération, mais ça y était dans Midi et Zouzou, du coup c'est culte pour moi aussi. Alors que foot, je suis même pas fan. Et ça a changé aussi la longueur des terrains de foot. Hein, ouais. Oui, alors c'est vrai qu'on s'est aperçu donc avec Olive et Tom que la Terre était ronde, parce que les terrains de foot eux-mêmes étaient tellement grands qu'il y avait de la courbure. Voilà, c'est ça. Voilà, et qu'on s'est aperçu aussi que les êtres humains pouvaient sauter quand même vachement haut. Tout à fait. Vachement longtemps, planer dans les airs, faire un temps improbable. Change de la gravité en fait. Ah bah, ouais. Gravité, fuck la gravité. En même temps, il y a tellement de problèmes de gravité dans les. dans les mangas, il y a tellement de problèmes tout court. Manga ou dessin animé, mais c'est. Regarde, tu regardes, un Bugs Bunny ou un Bip Bip et Coyote et tout ça, le mec, il court, et tant qu'il a pas vu qu'il était dans le vide, il tombe pas, et c'est génial. C'est vrai que c'est. Vous avez essayé de faire ça, sauter dans le vide? Alors j'ai pas essayé. Non merci. Non, parce que rare. Très clairement, avant de sauter dans le vide, je me dis déjà ah merde, je vais tomber, tu vois. Ah mais c'est pour ça que ça marche pas d'ailleurs. C'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Je suis sûr qu'on ira tout droit, ça marchera. Ça marche. C'est comme si on décidait de traverser un mur. Je suis sûr que si on y croyait très fort, on traverserait le mur. Et puis ça, surtout ça parce qu'il a notre forme. Oui. Oui. Ah bah oui. Ça serait de la forme. Ça serait très joli. C'est un défi à faire dans Actu Solite. Oui. Le lundi soir, si vous voyez un défi un peu chelou qui se passe sur un. Alors on t'invitera, Teddy. Et on va pas refaire la déco participer. Toutes les semaines. Hein. Non, clairement. C'est un mur de placo, je suis sûr qu'on le traverse sans problème. Non, parce qu'il y a des grosses poutres en bois entre les deux. Faut viser bien. Faut viser exactement. Et voilà. Non, ta question c'était quel sport on regarde. Oui, voilà, c'est ça que je voulais en venir. J'avais perdu mon fil conducteur d'émission. Et donc, comme si j'avais un fil conducteur d'émission. Oui. Ça se voit tout de suite, c'est vraiment ça. Ce qui est écrit en plus sur mon truc. Bah, c'est ça qui est écrit. Oui. Logique. C'est ça. Du coup, oui, Capitaine Tsubasa, il y avait Jeanne et Serge aussi, c'est pareil, c'est en ce qui concerne le. Alors volet. Ça me dit rien du tout. Non mais c'est alors vieux, hein. Jeanne et Serge, déjà les prénoms. Excuse-moi, bon j'étais adolescent. Hein. Donc regarde le petit book. Ça commence à dater. Et c'était une série sur le volleyball. Pas courant. Ah ouais, il y a pas beaucoup. Non. C'est comme il y a un manga aussi là qui cartonnait. attention, qui avait une certaine popularité il y a genre 5-6 ans. C'était un manga de patinage artistique. Je me rappelle plus le titre parce que je l'ai pas écrit. Alors ça, ça ne parle pas. Ça me... Ah, mais ça peut être sympa. Le volleyball, je trouve c'est un peu chiant, mais après, ça devait être bien. Mais en fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait. Enfin, c'était. Ah, bah, il y avait toute une histoire derrière, effectivement. Ouais, voilà, ouais. L'entraînement. Jeanne apprenait cher. La... Oui, voilà. Parce que Jeanne avait son copain Serge, voilà. Donc, oui, joue le pour qu'elle prenne cher, quoi. Puis l'entraîneur, c'était pas un tendre non plus. Non, voilà. Ouais, il y avait toute une histoire, comme tu sais, les malheurs de Sophie, moi ça me fait penser. Oh là là. Ils m'ont mis plein la gueule, du coup. Ouais. Oui. J'ai passé une bonne journée. Moi, quand j'étais jeune, je regardais Inazuma Eleven aussi. Beaucoup. Tout le temps. J'ai tout regardé. Inazuma Eleven, super manga de foot. Totalement what the fuck, improbable. Il faisait des tirs, tu voyais des dragons apparaître derrière. Bah, c'est des trucs de dingue. Tu regardes dans Captain Tsubasa, les mecs qui sautent les uns sur les autres pour faire une tête plongeante, ou alors l'autre qui donne un coup de pied, il se retourne complètement d'une façon incroyable. Ouais, ils sont super souples. Hein. Et puis là, d'un seul coup, t'as un aigle qui apparaît derrière lui. Wow, un truc de psychopathe. Quoi. Mais bon, voilà, c'était pour dire que la puissance du. Avec ça, les ballons qui se déforment, qui deviennent ovales. Ah bah oui, ouais, c'est ça, qui s'entoure de flammes et qui perce les filets. Je sais pas si vous avez essayé d'écarter un filet, mais c'est quand même vachement... ça m'est déjà arrivé quand je faisais du foot en 5ème div, je crois qu'il n'y a pas plus bas, c'est la pire div. Mais justement, en fait, le matériel était tellement pourri que les filets, effectivement, c'est facile. Ah, moi, j'ai percé les filets. Moi, j'ai fait du foot, mais il n'y avait pas de filet, moi. C'était encore la catégorie en dessous. Il n'y avait pas de filet. En fait, les filets sont pourris. C'est pour ça. En fait, ils ont des mauvais filets. Ils sont mauvais en foot. Non, c'est pas genre. Ils sont des matos de merde, d'accord, ok. Puis surtout, leur manga de foot, franchement, j'avoue qu'ils sont sympas. Il y avait Galactic Football, alors je sais pas si c'est japonais, mais ça c'était génial à l'époque. Bonne question, ça. Ah, super dessin animé, moi j'adorais, avec Inazuma Eleven, et puis là, Victor Ichnikov, qu'on en parlera tout à l'heure. C'était des super trucs, mais on regardait beaucoup de foot du coup. Il y avait pas que ça, il y avait aussi du tennis, il y avait de la gymnastique, enfin. Voilà. C'est moins resté dans les mémoires. C'est vrai. Et il y avait aussi tout ce qui était bagarre, bien sûr, tout ce qui était la bagarre, c'est du bagarre. Tout ce qui était sport de combat, tout ce qui est Tenkaichi Budokai, le Dragon Ball Z. Enfin, Dragon Ball, à partir de Dragon Ball d'ailleurs, jusqu'à Dragon Ball Z. Il y en a un petit peu aussi dans Dragon Ball Super, mais... Ils ont pas fait toutes les lettres de l'alphabet, rassure-moi quand même. Non, il n'y a que ces trois trucs-là. Après, on pourrait parler de Dragon Ball GT, mais c'est pas canon. Voilà. Alors, il y a peu de gens qui veulent en parler, c'est étonnant. Et pourtant... GT Samusage. Et pourtant, c'est repris dernièrement dans les Dragon Ball Heroes. Ouais. On a les Super Saiyajin 4. Que c'est plutôt cool. Qui sont de Dragon Ball GT, qui sont maintenant donc devenus canon. D'accord. Voilà. Et pareil pour certains personnages qui n'étaient pas canon, genre Broly. Ouais. Bah maintenant il est canon. Enfin, c'est pas l'ancien Broly qui est canon, c'est le nouveau. Voilà. J'avoue que Broly, moi perso, je le connaissais pas trop, à part quand j'ai vu le film. Que je trouvais son cunny tête d'ailleurs, parce que le gars il venait juste Kakarot, il gueulait juste ça. Oui, ça c'est l'ancien. Non, mais le mec s'appelle Broly déjà. Ouais, Broly. Alors faut savoir, dans Dragon Ball, le gars il a un problème avec les légumes. Ouais, non, mais j'ai trop faim en plus. Il a vraiment un problème avec les légumes parce que tous les noms de ses personnages sont des légumes. Ouais. Sangoku, Bulma, Vegeta. Ah, Vegeta, tous ces trucs là. Alors je sais plus lesquels. Sangoku, ça vient de quoi? Sangoku. Ah, de son nom d'origine sur la planète bol, Vegeta, c'est Kakarot. Ah, bah oui, Kakarot. Voilà. Les carottes. Ouais. Donc, c'est aussi un légume. Sacré légume quand même, parce que ça donne envie de bouffer des légumes quand tu vois qu'il est en train de Je veux bien bouffer des carottes toute ma vie si je suis aussi fort que lui. Mais tu sais que je voulais le dire l'autre fois dans Vita Conso, quand vous avez parlé des carottes, que les carottes ont quand même la faculté. Enfin la faculté non justement donne la faculté de mieux voir. Oui, parce que je dois pas avoir mangé beaucoup de carottes dans ma vie. On a jamais vu un lapin avec des lunettes. Non, mais tu sais que pour l'anecdote, les aviateurs pendant la Première Guerre mondiale, mangeaient beaucoup de carottes pour mieux voir quand ils pilotaient, parce que la carotte a des propriétés qui font que tu as une meilleure vue quand tu manges des carottes. T'es sûr que c'est pas parce qu'ils sont sélectionnés, parce qu'ils ont déjà une meilleure vue, non, genre 13 sur 10 sur chaque. Ils ont déjà une bonne vue, mais genre par exemple. T'imagines un avion de la Première Guerre mondiale, t'avais une vue de merde. Enfin, je veux dire, il y avait pas de radar, il y avait rien, donc tu voyais. l'œil quoi. Bah tu vois, tu y allais à l'œil. À l'instant. Donc il fallait vraiment que tu puisses décerner l'ennemi, tu vois, et les mecs mangeaient des carottes pour essayer d'avoir une meilleure vision. C'est quoi? Bon, c'est pas, je suis pas sûr que ça marche. Mais je sais pas, en tout cas, c'est une vraie anecdote. Hein. Les avions kamikazes japonais. Ah, en ils fait, ils pas étaient kamikazes. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ils voyaient rien. C'est ça. Ils étaient pas kamikazes en fait. Ils étaient pilotes, mais ils voyaient rien, du coup, ils se crachaient. Parce qu'au Japon. Pénurie de carottes. Pas de carottes. Voilà, c'est ça. D'ailleurs. Ah, vous êtes horrible. Hein. Oh, c'est la petite blague. Mais d'ailleurs, en revenant à Dragon Ball Z, le dernier jeu Dragon Ball Z qui est sorti, il s'appelle Kakarot. Kakarot, en fait, oui, c'est l'histoire de Son Goku dans un jeu vidéo. C'est même que plus ça, un, ça retrace la totalité. C'est plus vraiment un pur baston. Moi, c'est ça comme, où que t'as que des combats. Voilà. C'est un RPG où tu peux te balader. Tu peux te balader partout. Ouais, c'est apparemment c'est sympa. Moi c'est pas trop des jeux comme ça qui m'intéressent. J'ai un peu de mal à jouer avec ça. Les Tenkaichi Budokai ou Budokai Tenkaichi. Les Tenkaichi Budokai, ah, voilà. Comment ça commence? Qu'est-ce que quoi? En fait, ça commence dès Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super. Ouais. Et ce sont les tournois d'arts martiaux. Ces tournois sont organisés tous les ans. Et ils ont des règles bien particulières. La première règle. C'est pas comme le Fight Club, n'est-ce pas? On ne parle pas du Fight Club, non, c'est pas pareil. C'est la première règle pour ne pas perdre, c'est ne pas tomber du ring. Ça paraît bizarre, enfin, c'est un classique. Ouais. Sauf que, on verra plus tard qu'il y a pendant un certain moment, cette règle va être éliminée. Je veux savoir pourquoi. Parce que si tu détruis le stade, t'as plus de stade. C'est ça, voilà. Perte connaissance aussi, c'était éliminatoire. Ouais. Dire j'abandonne. Donc, bah ouais, mais t'as pas le choix. Si ton corps il veut que tu perdes connaissance, tu perds connaissance. Oui, voilà. Bah, une fois que tu perds connaissance, t'as perdu. Voilà. Ouais. Une autre règle, pleurer. Pleurer sur le ring, et bah, t'avais perdu. Voilà, terminé. Voilà. Bah, voilà, Tu es un faible. On dira merci Toriyama, hein, d'accord. Tuer son adversaire, c'était éliminatoire. Pareil. Oui. Oui, bah ça, à la limite, pourquoi pas. Oui. Ah, voilà. Interdiction d'utiliser un accessoire ou une arme. Mm-hmm. Voilà. Mais les boules de feu, c'est autorisé. Les kikoho ne sont pas. C'est pas une arme. C'est fait par ton ki, donc c'est pas une arme. Ton énergie. Et il y avait aussi un nombre de points qui. Celui qui gagnait avait le plus de nombre de points gagnait. Voilà. D'accord. C'était les règles de base du Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball. À partir du 22e Tenkaichi Budokai, il y a quelques règles qui vont être virées. Genre, par exemple, pleurer, bon ben, ça sera abandonné. T'as le droit de pleurer. Ouais, voilà, je suis en train de penser, c'est un vrai tournoi. Oui, c'était c'est avec des vrais gens là. Des vrais tournois d'arts martiaux dans Dragon Ball. Ah, dans Dragon Ball. Moi, j'étais en train de me dire, putain, il y a des gars. Non, ouais, t'as pas le droit de jeter des boules de feu dans la vraie vie. Comment ça, j'ai pas le droit? Clairement. Oui. C'est compliqué. C'est des tournois de Dragon Ball Z. D'accord. C'est de l'histoire. Non. Alors là, on parle bien de l'animé Dragon Ball, d'accord? D'accord. Maintenant, tout ce qui est. La série des Dragon Ball a été mise en jeu vidéo qui s'appelle aussi entre autres il y a les Tenkaichi Budokai. Ouais, d'accord. Jusqu'à il y en a 4 je crois. 4 ouais, il me semble. Ouais. 4. Moi j'ai joué au 3 il me semble qui était sur PS1. Ouais. Et j'adorais. Franchement. Oui, donc ça fait longtemps qu'ils ont abandonné la licence, non? Ah non. Après t'as eu les Xenoverse, après t'as. Ah oui, d'accord, il y en a eu. Ah oui. Les Xenoverse, il y en a deux là. Il ouais. y a eu le deuxième il y a 2-3 ans. Là, oui, et après là c'est Kakarot. Le dernier qui est sorti l'année dernière, en 2019, Kakarot. Ouais. Ça change un peu de style. Non, mais avec l'accent ça va, ça passe aussi. Kakarot. Le mec il est vegan. Bon bref. Ah, il est loin d'être vegan. Hein. Donc voilà, donc les Tenkaichi Budokai, en fait, il y en a eu 25 dans tout l'arc depuis la création du Tenkaichi Budokai. Et le premier qu'on voit dans Dragon Ball, c'est le 21e. On s'est pas tapé les premiers Tenkaichi Budokai auxquels assistent les protagonistes principaux de l'histoire. C'est-à-dire Son Goku et Krillin. Oui. Et Tortue Géniale. Kulilin et Kame Sennin, qui est Tortue Géniale en français. C'est à partir du 21e Tenkaichi Budokai. Quand il est enfant en plus. Quand ils sont encore, c'est vraiment la jeunesse quoi. Ils sont tout petits, ouais. Ils viennent de sortir de l'entraînement de Kame Sennin, de son école de. Enfin, son école qui est bien sûr sur une île déserte, oui. Avec une seule maison, une tortue et tortue géniale. D'accord. Voilà. Ouais. C'est, voilà. Il n'y a pas les tortues ninja ? Non, il n'y a pas les tortues ninja. C'est la rencontre. Et je donc, crois qu'elles sont explosées. Leur, ils s'inscrivent au premier. Tournoi où ils peuvent s'inscrire, ouais. Et c'est le 21e tournoi. Voilà. D'ailleurs, ils veulent gagner celui-là. Non. Non. Là, le 21e tournoi. Non. Non. Sangoku n'a gagné qu'un seul tournoi en fait. Et sur tous les tournois où il a participé, il n'a gagné qu'un seul tournoi. C'est qu'il l'a pas fini celui-là, c'est ça ? Non, sur le premier tournoi, il a perdu contre Jackie Chun. Alors, qui est Jackie Chun ? Vous allez rigoler. T'as pas le droit de faire un truc aussi proche. Ben, en fait, c'est un hommage. Parce que Akira Toriyama, qui est l'auteur de Dragon Ball, est un fan inconditionnel de Jackie Chan. D'accord. Il trouve franchement que c'est un très bon acteur. Faut voir aussi qui est Jackie Chan. Hein, on est d'accord. C'est un bon acteur. C'est un très bon acteur. C'est un cascadeur hors pair parce qu'il fait toutes ses cascades lui-même. Oui. Pour moi, c'est même plus qu'un cascadeur qu'un acteur. Même, mais limite, c'est un grand malade. Hein, parce que quand tu vois quand il se casse la gueule, des fois, tu te dis il est encore vivant. Ah oui, il est encore vivant. Et c'est un fan inconditionnel. Donc il a en fait il a pris le nom de Jackie Chun en hommage justement à d'accord. Jackie Chan. Voilà. Okay. Et c'est Tortue Géniale qui se déguise en maître d'arts martiaux pour au 21e tournoi foutre sur la gueule de ses élèves pour ne pas qu'ils gagnent. Parce qu'il était sûr qu'au vu le niveau, ils allaient gagner l'un ou l'autre pour pas que ça leur monte à la tête et qu'ils continuent l'entraînement. Voilà. Donc ça c'est pour le 21e tournoi. Le 22e tournoi, Sangoku non plus n'a pas gagné. Il s'est fait battre par Tenshin Han au dernier moment en se tapant contre une voiture. Un accident de la route, c'est triste. En plein tournoi. Ah ouais, mais là à ce moment-là, ils apprennent à voler et là on commence à partir dans un autre délire. Okay. Donc voilà, donc ils commencent à faire des trucs en l'air et tellement haut et puis donc ils volent, ils arrivent à élever leur ki tellement qu'ils arrivent à voler et ils plongent. Voilà, et arrivent dans une voiture. Ouais, ils se cassent la gueule, ils tapent une voiture et ils tombent en premier hors du ring alors que Tenshin Han est tombé aussi hors du ring. Merde, deuxième. Ah, donc, d'accord, ok. C'était serré. Voilà. Après, le 23e. Et bien, justement, le 23e Tenkaichi Budokai, c'est le seul Tenkaichi Budokai que Sangoku a gagné. Contre Piccolo ? Piccolo. Ou Satan Petit Cœur. Satan Petit Cœur, la traduction française. Non, mais je préfère Piccolo, c'est Piccolo. Comme Tortue Géniale. Franchement. Voilà, donc c'est Tortue Géniale en français, ça va. Je pense que même Tortue Géniale, on aime bien le dire. Ah bon par contre, Satan Petit Cœur, j'attends que. Ah, c'est dur. Je vois pas trop en fait d'ailleurs le pourquoi du comment de ces traductions. Oui, bah oui, ça va. Piccolo, c'est facile à prononcer quoi. Bah, c'est italien en plus, c'est même pas. Autant Takashi Budokan, voilà. Mais... En sachant que quand tu regardes en VO, il l'appelle Piccolo. Bah oui. Mais ça pourquoi Piccolo bien. Et pourquoi pas. Il est italien. Pourquoi ils disent pas Piccolo? Mais c'est ça, c'est italien en plus. Satan Petit Cœur. Italien, ça veut dire tout petit ou. Ouais, c'est ça. Piccolo. Alors, en sachant que le premier Satan, Daimo, c'est Piccolo Daimo, on va dire le père de Satan Petit Cœur. Daimo, ça veut dire démon. Donc Satan. Ouais. Donc, ça c'est compréhensible. Pique cela. Voilà. Ouais, ouais, Satan, ouais. Mais pourquoi Petit Cœur? Petit Cœur. Piccolo. Petit. Il a un petit cœur. Ouais. Ah, ça veut dire que Pay Piccolo, on est d'accord, c'est une petite flûte. Hein. Ouais. Bah oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est petit en règle générale en italien, mais du coup, ça fait Satan petit. Et pourquoi ils ont rajouté cœur? Tu vois, le mot cœur, il est apparu comme ça en traduction française. C'est ça, c'est ça. Et donc, du 23e jusqu'au 25e, on n'en entend pas parler. Et là, c'est Satan qui gagne. Mais Satan, pas Satan petit cœur. Le défusionner parce qu'au début ils sont. Non, Satan, le. Comment ? L'être humain qui s'appelle Satan. Mister Satan. Ah, Hercule ! Hercule, voilà. Hercule en français. Oh putain. Et franchement, voilà. Alors, c'est pareil. Pourquoi en japonais c'est Mister Satan, d'accord ? Et dans tout l'animé, tu vois. Satan marqué partout avec des machins. C'est ça. Et nous, c'est Hercule. On l'appelle Hercule. Mais même dans le manga français, tu vois, t'as Satan partout, mais il s'appelle Hercule. Ok. Pourquoi ? Je sais pas, les traducteurs ont... Je sais pas, ils ont... Ah, ils ont... Ouais. Mais pourquoi Hercule sur un gars qui va... C'est ça. Je le déteste. Il est détestable. C'est une parodie. Hein. Il faut l'avouer, quoi. C'est une parodie d'un... En même temps, est-ce qu'on vole? Est-ce que... Non, bon, c'est la parodie de l'humain en soi, enfin, ouais. L'humain bête et méchant qui arrive là avec des gars qui a des super pouvoirs et tout et qui se dit ouais mais c'est du chiquet, c'est trucage, voilà. Et tout ça. Non mais le gars en fait il flotte parce qu'il a un système de... Non ta gueule. Oui mais c'est de la science-fiction. Ouais. Mais il s'en sort bien à chaque fois le bâtard. C'est vrai que d'ailleurs il s'en sort tellement bien qu'il a une très bonne propagande parce qu'à la fin du Cell Game... Il le gagne. C'est lui qui a gagné. C'est ça. C'est lui qui gagne le Cell Game, qui est la suite du 23e Tenkaichi Budokai, qui est pendant l'arc, après l'arc Cyborg, l'arc Cell. Ouais. Voilà. Et là justement, il y a quelques règles qui changent. Je te propose. T'as vu les Dragon Ball, Jolan? Non, aucun. D'accord. Oh, t'es mauvais. Voilà. Donc, je suis pas du tout collé là, vous me parlez en chinois. Non, c'est un japonais. Et bon, c'est la même chose, mais. Non, mais je t'avoue que moi, très peu aussi. Hein. C'était ma pleine période Dragon Ball Z. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, c'était Dragon Ball Z à four. Ah, ça regarde. Et dans la cour de récré, etc. Ils avaient les cartes Dragon Ball. Enfin, il y avait tout Dragon Ball, quoi. Ah, faut savoir. Mais moi, je regardais pas. Non. Moi, je regardais Bugs Bunny. C'est le deuxième manga le vendu depuis tous les temps. Ah ouais? Ouais, seulement deuxième, par contre. Il a été dépassé il y a 5-6 ans par One Piece. Ah, par One Piece. Et One Piece, qui, pour le coup, il n'y a pas de sport là-dedans. Non, c'est un poids lourd quand même du manga. Ah ouais, franchement. Et moi, j'ai vu les animés, enfin une partie des animés, j'aime bien. J'aime bien aussi, c'est cool. Ouais, c'est, franchement, c'est pas... Je te propose qu'on parle de la suite. Après le remix de Félix Jaén, Some Say. On peut changer. Tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux mettre? J'en ai marre de Sunset. J'en ai marre du remix de Sunset. Qu'est-ce que tu veux nous mettre? Tu veux mettre Tim Ivan Wingarden? Non, je voulais mettre Seb Wax avec C2C and Wax. Je le trouvais plus cool. Ah, C2C, je connais. C2C and Wax. Ouais. Ouais, ils font des trucs. C'est un bootleg. La Wax, c'est pas. C'est la Wax qu'on préfère. C'est la Wax, c'est pas qu'on met sur les planches de la Wax. C'est la Wax qu'on préfère. Mais on écoute ça et on se retrouve après. D'accord. Les super-héros de la radio. C'est les Peck Avengers sur Indestar. Et oui, votre rendez-vous, les Peck Avengers, le jeudi soir de 21h à 23h sur Indestar. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les podcasts de cette émission et des autres émissions sur indestar.fr ou sur une vingtaine de plateformes. Mais les Peck Avengers, ils sont vraiment très beaux. Et partout. Peck Avengers, héros de ta radio. Effectivement. D'ailleurs, en parlant de radio, vous pouvez retrouver... Théo, que vous entendez la chanter, il fait son délire. Ah, mais j'adore le générique de Peck Avengers. Oh, le bâtard! Ah, et tu sais qu'il y a un bouton et je te coupe, hein, toi. Bah, vas-y, quand tu veux, moi j'ai un pied. Hein. Bah, ouais, vas-y, j'ai un pied, je te fais quoi? C'est l'amour fou, même quand ils font l'émission Starter le lundi de 20h à 21h. Le mec qui essaye d'enchaîner, tu sais. Bien sûr que j'essaye d'enchaîner. Tu vois, je reste professionnel. Il y arrive bien, il y arrive bien. Suivi de Actu Solide de 21h à 22h. Exactement, c'était fun d'ailleurs. Affinité. Et plus c'est affinité. Mais j'y étais d'ailleurs quand à celle de lundi. Oui. On a fait un jeu. Je vous invite à le regarder record, la vidéo. Ouais. Ah oui, qui est dispo encore sur l'Instagram d'Indestar. Ouais. C'est Indestar Radio. Pour rejoindre Instagram, d'ailleurs, on vous invite à le faire hein, si ça n'est pas encore fait. Et alors, ça, j'ai pas tout compris moi Instagram. Hein, je suis en train de m'y mettre, mais il y a un onglet qui s'appelle IGTV. Je croyais que c'était un TGV. IGTV. Ouais, non, mais je t'assure, ça s'appelle comme IGV, ça. IGV, c'est pas interruption de grossesse. Alors, IGV, c'est aussi. Instagram télé. Et attends, non, mais je vais vérifier que ça s'appelle bien comme ça. Du coup, vous pourrez retrouver la vidéo du record de lundi sur IGV TV de Instagram. Et ce record qu'on a fait, on a donné notre personne avec Yann. Hein, exactement. Ouais, non, mais c'est vrai. Et on vous a êtes passé à... de 3 à 4 pompes. Alors là, c'était pire que les pompes. Non, il y avait tout un parcours 3, à faire. Pompes, je t'avais fait à l'aise. Mais alors, le parcours passé sous les chaises qu'on a dans l'open space. Ouais. Surtout avec les bits quota, c'est compliqué. Ah, ouais, allez, c'est vive. Clair. J'avoue. Non, mais même pour ramper par terre, enfin, c'était chaud. Enfin, ouais. Ramper, ça me gêne pas, mais là, à chaque fois que je me relevais, moi, je faisais voler la chaise. C'était un petit parcours du combattant, quoi. Ouais, c'est ça. Il fallait répondre à des questions entre temps. Et donc, pour revenir à Instagram, si vous êtes sur l'application, vous avez un 3 icônes, on va dire, au milieu. Au-dessus des images et c'est celle du milieu qui ressemble à une petite télé. Et là, vous avez Actu Solide record, vous êtes 21 à avoir vu. Okay. Ah ouais, on vous apprend à utiliser Instagram en même temps. C'est une émission de pop culture, alors, on a le droit. C'est pas faux. Après, bah, y a, dans la semaine, il y a nous le jeudi soir. Ça, c'est surprenant. Ah non, je sais pas. J'ai pas compris. Ouais, pas compris, on a entendu. Et puis il a dit que c'était surprenant. Je disais, surtout si ça vient de Théo, pas qu'il nous l'apprend. Ben quoi, oh, je me mets Instagram. Tu sais, j'ai jamais Instagram, donc. Instagram. Et il rentre dans le 21ème siècle. Exactement. Donc on disait le jeudi PK Avenger. Oui, jeudi, donc jeudi, bah toujours PK Avenger. Et le vendredi, il y a Vita Conso de 21h à 23h. Ouais, c'est ça. Donc on parle avec de la moi, Linda, Jolan, on parle de consommation. Donc demain, ce sera un thème chasse, braconnage. Je me rappelle plus du dernier thème, mais c'est pas grave. Vous verrez bien demain, de toute façon. Oui. Suffit d'écouter. Ça, c'est oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est... de checker aussi les réseaux sociaux parce qu'on vous annonce le programme aussi un petit peu à l'avance. Hein, c'est ça. Un an à l'avance. Non, j'écris. Peut-être pas un an à l'avance parce que vous en oubliez entre temps. Ouais. Mais jour par jour. Ouais. C'est ça. Nous, en attendant, on parle de sport dans cette émission PK Avenger. Et là, on parlait des Dragon Ball Z, non, des Dragon Ball Tenkaichi Budokai ou Budokai Tenkaichi. Oui, donc c'était c'est les. En fait, c'est Les tournois dans Dragon Ball. Tournois d'arts martiaux. Voilà. Et si on mangeait moins de viande, c'est ça le thème de vendredi parce que c'est marqué sur Instagram. Voilà. Comme je suis. Merci Linda qui a fait la publication. Moi, je suis dans l'émission, mais je sais même pas le. Tu check pas, c'est les réseaux. En fait, je cherche dans les sujets des gens pour faire mon quiz, donc voilà. Oui. Ouais, excuse de merde. Ouais, c'est clair. Revenons-en à Dragon Ball parce que ça, c'est pas une excuse. Oui, donc il y a des règles bien particulières dans Tenkaichi Budokai, entre autres, donc pas tuer, etc. Ces règles, certaines règles vont être abolies par certains personnages, dont celle qui abolira la règle où il ne faut pas tuer. Oui, lui il fait son propre tournoi, il fait sa propre arène, ça c'est le nouveau tournoi, il décide, moi je, c'est moi le chef. Et il y a des gens qui vont participer à ce tournoi. Bah parce que sinon il détruit la Terre, donc oui. Ah oui. C'est donc... soit ça, soit il fait sauter le reste de la planète. Donc, effectivement, c'est un bon alibi. Théoriquement, Sangoku y va avec sa famille, ses potes, Et son fils, va emmener ton fils se faire friter la gueule. Bah oui, et tu peux mourir, mais c'est pas grave. Contre un robot, c'est bon, voilà. Au final, d'ailleurs, je pense pas que c'est du spoil, tout le monde connaît l'histoire de Dragon Ball. C'est Sangoku qui va mourir. Sangoku va mourir. Et c'est son fils qui va battre Cell. Et c'est là qu'on découvre la nouvelle transformation des Super Saiyan. SSJ2. Voilà, la Super Saiyan 2. Et ça veut dire que les enfants à l'époque qui regardaient ça dans ma classe, ils ont été traumatisés par la mort de Sangoku. Alors traumatisés, je sais pas, mais je suis pas sûr que ce soit ce soit le cas traumatisé. Par contre, oui, c'est touchant. La mort de nos héros, parce qu'il y a pas eu que lui. Hein. Non. Il y a Krillin, mais Krillin, on s'en Krillin. Fout. Bon, bah ça, Krillin, il meurt tout le temps, donc c'est il pas meurt grave. Dans chaque arc, il meurt tout le temps. Bon, voilà. C'est comme Yamcha. Yamcha, il meurt dans chaque arc presque. Donc c'est récurrent pour eux. D'accord. Mais il y a certains personnages qui sont plus puissants que d'autres ou qui meurent à certains endroits. Genre Vegeta, par exemple, quand il meurt. Voilà, dans l'arc Bou, Vegeta, enfin, c'est pas qu'il se fait tuer, c'est qu'il s'auto-détruit pour essayer de tuer le mec en face. Mais il arrive, mais pas de bol, il est régénérant. D'accord, donc au final, il s'est sacrifié pour rien. Il s'est sacrifié pour rien. Mais c'est un beau geste. Voilà, c'est un beau geste technique. C'est la manière dont c'est amené avec la musique, etc. Oui, bien sûr. Qui est épique. Ouais. Voilà. Et puis surtout que quand on connaît le personnage, Vegeta, c'est quelqu'un de. C'est le bad boy, hein. C'est le bad boy de la bande. Et il a une femme quand même. Il a pécho. Il a pécho. Une femme qui est quand même Bulma, qui est un des personnages importants dans Dragon Ball aussi. Hein, qui est là depuis. Le début. Ouais, c'est son histoire presque au début qu'on voit. C'est presque ça en fait, ouais, parce qu'au départ, c'est elle qui part à la recherche des Dragon Ball. C'est ça, ça commence avec ça. Parce que c'est quoi les Dragon Ball? Alors, les Dragon Ball, revenons à la base. Ce sont des boules de cristal avec des petites étoiles dessus. Mm-hmm. C'est les boules de dragon. Elles sont au nombre de 7. Et une fois que tu as rassemblé ces 7 boules de cristal, tu peux invoquer le dragon Shenron qui te permet de faire un vœu. Pas forcément n'importe quel, parce qu'il a des pouvoirs quand même assez limités, mais assez étendus pour... ressusciter une personne. Pour combler beaucoup de désirs. Voilà. D'accord, c'est Aladdin, quoi. Oui, mais... C'est Aladdin en dragon, on va dire. Beaucoup plus classe, ouais. quand même, beaucoup plus flippant quand tu l'as à côté de toi, parce que c'est pas un dragon genre Mushu, c'est... tu le vois, en fait, un peu partout, quand t'es sur la planète, tu le vois apparaître, quoi. Voilà, il fait nuit quand il apparaît, quoi. C'est le genre de... Tu peux pas le louper. Voilà. Et donc, ça commence comme ça l'histoire. Voilà, elle recherche ça pour un vœu. D'ailleurs, on sait même pas le vœu qu'elle a. Le vœu de Bulma. On l'a jamais su. Enfin, je crois non. pas. Non. Ouais. J'ai pas... Parce qu'on sait... non. Elle cherche les boules, mais on sait pas. Les créateurs l'ont pas encore inventé. Non, parce qu'après, c'est parti direct en live de combat et tout ça. Au début, c'était très arts martiaux et tout ça, école et tout ça. Puis après, fight. Mm. Voilà. Alors, et après, c'est cool, hein, du fight. Mais, maintenant, voilà. Bon, un peu d'histoire avec. Il y a maintenant, bon. On a dépassé le Dragon Ball Z, on est passé au Dragon Ball Super avec de nouvelles transformations, etc. Et on a découvert d'autres Dragon Ball, et dont les Dragon Ball des dieux. Et là, elles sont plus là parce que les Dragon Ball dans Dragon Ball le début, le premier, celles qui sont sur Terre, elles étaient grosses comme la main, quoi. C'est une boule de pétanque, si tu veux. Ouais. Après, ils partent sur une autre planète où ont été créés ces Dragon Ball là. Il y en a d'autres qui sont plutôt à la taille d'un ballon de basket. Ça reste dans le terme du sport, n'est-ce pas ? C'est ça. Et là, maintenant, dans Dragon Ball Super, c'est les Dragon Ball des dieux. C'est des planètes. Et là, c'est des planètes entières. Ah, vraiment ? Ouais, okay. Ouais. Elles ont la taille d'une planète. Tu peux te battre dessus, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans un jeu. Mais ils ne peuvent pas l'apprendre, pour le coup. Pour les réunir, c'est peut-être un peu plus chiant. Là. Ça, ouais. En plus de place. Oui, voilà, ça prend un peu plus de place. Voilà. ça te permet. Et plus les Dragon Ball sont grosses, plus tu as du pouvoir dedans. Et tu as accès à des vœux. Plus balèze. Important. Voilà. Ouais. Dans celui de Namek, par exemple, tu pouvais pas non pas faire un vœu, mais trois vœux. Ah oui. Là, c'est vraiment là. Tu pouvais faire une planète qui avait explosé. Tu pouvais la remettre d'aplomb. Tu pouvais ressusciter toutes les personnes mortes sur cette planète. Voilà. Et donc c'est déjà assez balèze. Et avec celui c'est de, du bon. Et avec celui des dieux, tu peux ressusciter des univers entiers. D'accord. Ah, faut taper dans le plus lourd à chaque fois. Non, mais oui, pourquoi pas. Voilà. Après, les planètes, ils vont avoir du mal à inventer autre chose, par contre. Y a la suite de Dragon Ball Super qui est déjà en manga. Et le méchant de méchant de méchant, il s'appelle Moro, c'est un avaleur de planètes. Il avale des planètes. Ah, des planètes. Okay. Si vous connaissez dans le Marvel Universe Galactus. C'est pas long. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Ça tape toujours c'est, de. C'est le même. Et du coup, pour conclure, t'as un personnage forcément ou des choses que tu préfères dans Dragon Ball Z ? Qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu détestes ? Ce que je déteste dans Dragon Ball Z. Dragon Ball. Dragon Ball GT. Rien. Non, mais même Dragon Ball GT. À part. La moustache de Vegeta. On ne parle pas des choses qui fâchent. Non, il y a le personnage de Pan dans Dragon Ball GT, j'ai un peu de mal. Enfin, le début de Pan, j'aime pas trop. C'est la petite fille de Sangoku. Pan, c'est ça ? Voilà. Oui, c'est la petite fille de Sangoku. Sangoku et d'accord. C'est vrai qu'elle est chiante. Voilà. De quoi ? Donc, elle est chiante ou sinon ce que je préfère, c'est la transformation SSJ4. C'est vrai ? Ah, c'est le. C'est la transformation qui ressemble plus à un singe. Ouais, c'est là où il devient le plus spécial. Parce qu'il faut savoir que Dragon Ball, au départ, c'est inspiré d'une légende chinoise. Ah, ok. Qui est la... Tu vois les loups-garous ? Oui. Bah là, c'est la même chose, mais avec des singes-garous. C'est... Non. La légende chinoise, en fait, c'est un espèce de demi-dieu qui a une tête d'homme et un corps de singe, qui a un bâton magique qui peut s'agrandir, typiquement comme Sangoku. Hein. Ouais. Et on suit ses aventures. Mmh. Voilà, donc il va se battre contre. C'est un expert d'arts martiaux, etc. Il y a beaucoup de similitudes. Il n'y a pas les Dragon Ball, les boules de dragon dans cette mythologie-là. Ouais. Mais c'est vraiment. Le personnage est tiré vraiment de cette mythologie-là. Qui est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. D'ailleurs. Mais. Julan, tu peux nous expliquer un petit peu la transformation SSJ4 comment ça consiste? Bon, alors la SSJ4. Elle est plus sauvage que. En fait, les Saiyans qui sont les. Sangoku est un Saiyan. Ils ont d'abord les cheveux noirs. Ils ont tous les cheveux noirs, sans exception. Même ceux qui n'ont pas de cheveux, ils même ont ceux qui n'ont pas de cheveux. Avant, ils avaient les cheveux noirs. Donc, d'accord, oui. Et quand ils se transforment en Super Saiyan, ils passent avec des cheveux jaunes. Ah, c'est une coloration, quoi. C'est ça. Franchement, les coiffeurs les détestent. Après, et au fur et à mesure, en fait, ils ont des power-up et le SSJ2, il y a des éclairs autour d'eux. SSJ3, ils ont plus de sourcils. Ouais. Par contre, ils ont des cheveux super longs. Mais quand je te dis super jusqu'aux longs, fesses. Ça passe d'une taille normale à jusqu'aux fesses bien dépassées. Quoi. Ouais. Hein, voilà. Mais genre en pic, non ouais, en pic, toujours avec des pics. Tu vois Sonic ? Oui, Sonic en jaune. Non, mais c'est ce que je voulais, j'ai l'image que j'avais dans la tête. Je me dis, c'est Sonic les hérissons. C'est Sonic les hérissons en jaune et en plus méchant. D'accord. Et après, il y a le SSJ4 où là, on change complètement. En fait, ils n'ont plus un corps humain, ils ont un corps de singe. Ah ouais. Un corps de singe. La nette des singes. C'est ça. ils reviennent avec des cheveux noirs et des yeux rouge-orange. C'est vrai qu'avec l'as, moi j'aime bien. C'est, franchement, là, c'est celle qui a fait plus bestial, on va dire. Mm-hmm. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Jolan, est-ce que t'es avec nous? On a perdu. Ah, Jolan, il a déserté. Ça, c'est fini. Putain, ah c'est cool. Je suis là, je vous écoute. Ah, c'est bon. Ah, mais il dormait en fait, il est parti sur un petit café. Ouais. Ouais, non, c'est ça. T'as dit que je suis pas le genre de mec à faire ça. Non. T'as jamais vu Dragon Ball? Et pas le genre mais de mec non, à faire ça. Mais non, en vrai, là, vous me bercez. Hein. Je suis un peu en train de m'endormir parce que je vous avoue que je connais pas du tout l'univers. Donc, Et ben justement, ah ouais. On s'instruit. Ah, ouais. Bah, du coup, si tu connais pas l'univers Dragon Ball Z, c'est pas grave, tu vas nous parler tout à l'heure d'e-sport. Tout à l'heure, c'est-à-dire après la musique? Ouais, bien sûr, après la musique. Par exemple. Ouais. La musique de Domin Van Winchgarden, son titre Ludwig Highfand. Donc c'est une reprise. De Lady Gaga? De Lady Gaga. Lady Gaga. Ah, je cherchais, mais c'était pas écrit. I'm alone in my house. PK Avenger, c'est comme. Dans Friends. J'ai été celui qui a permis d'assurer le passage entre les systèmes KL5 et GR6, voyez-vous. Mais en différent. Ouais. Ouais, totalement différent. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un thème sport. Ça me fait penser à des trucs de bagnole, je sais pas pourquoi. Bah, moi, ça me fait penser à ta transformation GR4-2 là. GR4-2. SS. SSJ2. SSJ2, pardon, autant pour moi. Mais là, ça va être au tour de Jolan de parler. Jolan, qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau? Ah bah je sais pas moi, tu l'as teasé tout à l'heure, donc... Bah tu le sais alors. Les gens sont courants, tu vas nous parler d'e-sport. Ouais, c'est ça. Alors l'e-sport, alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'e-sport? Voilà. Déjà, c'est quoi l'e-sport? Bah l'e-sport c'est un regroupement de personnes ou de... Enfin... ça peut être un... Comment vous expliquer? Un tournoi. Ouais, c'est un tournoi quoi, un tournoi de sport, mais c'est de sport jeu vidéo. C'est un gros tournoi qui est organisé par exemple, je vais prendre le jeu très connu League of Legends, ouais. Qui existe depuis 20 ans maintenant, mm-hmm. Et Riot Games, qui est le développeur du jeu, développe, enfin, organise ses propres tournois. Donc, ouais, c'est parce que c'est un géant. D'argent. Parce que ouais. C'est un géant, parce que faut savoir, le jeu vidéo ça a pas toujours été aussi bien coté que maintenant, ça fait non, que évoluer. Non, non. C'est en fait, ça a explosé à partir des années 90 et des années 2010. C'est là que ça a explosé. Pas 90. Non. Alors, non, en fait, non, plus tard, plus tard. Ça a débuté aux années 90 et ça a explosé. Non, pas l'e-sport. Allez, l'e-sport ou le jeu vidéo, Jolan? Non, l'e-sport. Ah, en fait. L'e-sport, d'accord. Ouais, bah oui, ça a débuté quand on a commencé à avoir une connexion internet, parce que avant oui. C'était compliqué. Oui, oui, encore oui, parce qu'il ouais. Y avait des tournois, mais c'était pas d'envergure si grande. Là, c'est dans les années 2000 qu'il y a eu des gros tournois d'e-sport. Là, par exemple, vous regardez un match de foot avec des commentateurs à la télé, bah là, ça va être pareil, sauf que ce sera sur un écran d'ordinateur. C'est ça. Et commenteront les joueurs, genre quand tu disais ouais, Counter-Strike. Il y aura des termes spécifiques, donc des fois, si vous jouez pas au jeu ou vous comprenez pas le jeu, bon, c'est triste parce que ça reste assez sectaire, malheureusement. C'est triste. Mais. Si vous comprenez non, pas, sérieux, c'est triste. Hein, les gens qui connaissent pas. Par exemple, vous parliez de Vegeta tout à l'heure. Bah pour moi. Quoi Pardon. Quoi Oui donc oui Vegeta ça te parle pas quoi. Non. Bah tape Vegeta dans ta barre de recherche. Non, mais je sais qui c'est le personnage, mais je veux dire l'univers. Si on en ouais. on connaît pas le monde, c'est... T'as c'est raison. Vrai. Et c'est vrai que l'e-sport a un manque de notoriété encore... ah bah oui, clairement, hein, parce que... Il y a plein de gens qui savent pas du tout ce que c'est. Autant tu dis... Bah, ouais, l'ancienne génération, maintenant, la nôtre, voilà quoi. Oui, on a déjà entendu parler. Nos parents, on va dire. On commence à en entendre vraiment parler, et nos parents commencent à... Ça commence à être une routine, on va dire, pour nous, mais... C'est pas encore installé totalement dans les mœurs. Non, autant du basket, tu sais ce que c'est, autant du e-sport, voilà, c'est pas évident quoi. Il y en a, ils vont dire que c'est un sport internet. Je vais aller regarder un match d'e-sport quoi, et puis enfin voilà. C'est ouais. pas... En buvant une bonne bière, oh, si tu peux. c'est pas commun non. Ouais. Du coup, je vous ai trouvé 7 jeux les plus populaires en e-sport, en tournoi d'e-sport, ouais. En compétition. D'accord. En première place, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a Counter-Strike en première place avec 4000 joueurs professionnels déjà en jeu. En un tournoi? Putain, ça représente. 4000 Faut les accueillir, les 4000. 4000 joueurs. En deuxième place, bah, d'ailleurs, j'étais vachement étonné, League of Legends, avec 1700 joueurs professionnels. Attends, moins de la moitié. Hein. Je me demande si c'est les mêmes, en fait. Ah, il y en a qui font c'est... plusieurs, non ouais. Il y a peu de chance. Bah, les mêmes joueurs, en gros, qu'un joueur joue à un jeu et joue à l'autre. Non, c'est pas du tout les mêmes. Il y a très peu de chance. Surtout que League of Legends et Counter-Strike, bah, Counter-Strike, c'est un FPS. C'est avec un fusil à la première personne. Mais j'avais entendu, il y en a qui ont switché à un moment donné. Ils ont commencé une carrière et sur un jeu, ils sont passés sur un autre. Par contre, petite parenthèse, tu parles de joueurs professionnels. On est d'accord que joueurs professionnels, c'est comme dans tout autre sport, c'est des joueurs qui sont payés pour ça, avec des sponsors, avec etc. Ils sont payés comme des joueurs pros de sport. Quand d'accord. Enfin, alors oui, non, pas oui exactement. Non. Ils sont payés, oui, mais comme un peu moins quand même. Ah ben bah non, mais attends, on va pas se leurrer. C'est pas un peu moins. Pas donné 20 millions d'euros comme un mec qui tape dans une baballe à un mec qui joue une manette. Mais je saurais pas vous dire le salaire qu'il touche, mais c'est assez conséquent quand même. Oui, et puis de toute façon, ça dépend pas parce que t'es dit entre un joueur de football par exemple et un joueur de cricket, ils gagnent pas le même salaire non plus, tu vois. C'est pas faux. Ah oui, non, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais il y a pas la même audience non plus. Mais c'est ça, en fait, c'est pas une question de difficulté, de popularité, etc. C'est surtout une question de popularité. Et c'est plus les sponsors, parce qu'ils gagnent de l'argent grâce aux sponsors, donc plus les sponsors sont importants et sont prêts à mettre le prix, plus les joueurs gagnent. Et c'est pour ça que le foot est tellement connu et reconnu que les joueurs de foot sont immensément riches. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça dans Sport News, il y a des compétitions de FIFA justement. Donc, ouais, donc de e-sport, et bah oui, parce que les joueurs, enfin les jeux de foot. Que sur PlayStation, Xbox et compagnie, ça fait partie des best-sellers des jeux vidéo de toute façon. D'ailleurs, il est dans ton classement FIFA, non ? Non, même pas. Il est même pas même dans pas le classement. Ah tu ouais ? Vois. Putain ? Non. J'aurais cru. J'étais vachement surpris. D'accord. Du coup, donc, le troisième, c'est qui ? Du coup, ouais. Au troisième classement, on retrouve le jeu Overwatch. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah, c'est pas tout jeune. C'est plutôt récent, ça, Overwatch. Ouais c'est très récent. Bah, il est sorti en 2016, donc il commence un peu à dater. Alors dans le gaming oui ça date oui, mais c'est sinon vrai, c'est vrai que ça vient de sortir à l'échelle humaine ça va par rapport à Sonic là on compte actuellement 1400 joueurs pro dessus ouais voilà et en quatrième place on a Fortnite ouais pardon. Parlons, excuse-moi. Ça m'a échappé. Je considère ça pas comme un jeu, mais bon. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui. Si, Fortnite. C'est un jeu. C'est un jeu. On est bien d'accord qu'il y a un challenge entre joueurs, donc c'est bien un jeu. Oui, ah, mais c'est un jeu vidéo, mais par contre. Il y a des choses qui sont discutables, même dans beaucoup de jeux, il y a des choses qui sont discutables, mais dans Fortnite, il y a beaucoup de choses, même leur politique et tout ça. Il y a des trucs qui sont hard. C'est pour ça que j'y joue plus à ce jeu. Moi. Ouais, mais ça reste pas moins un jeu hyper populaire, notamment chez les jeunes. Il y a un super truc qu'ils font Fortnite et que beaucoup de gens font, enfin beaucoup d'autres jeux font pas, c'est les concerts en live dans le jeu. Les concerts. Ouais. Oui, il y a des DJ célèbres. Mais c'est quoi, c'est des avatars qui. Ils font leur avatar et ils font le concert en live. Ils passent leur musique en live dans le jeu. Le Konja, comment il s'appelle ? Marshmallow. Oui. Un DJ assez connu. Ah oui, exactement. Il a fait un concert dans Fortnite. Mais alors attends, parce que le principe de Fortnite, qu'on le rappelle, c'est. On est quand même. Tu me dis si je me trompe, t'es dit, mais c'est genre t'es sur une île et tu dois tous t'entretuer. Alors c'est ça, t'atterris avec son joueur, c'est un Battle Royale Fortnite. Donc, c'est des modes différents là. Enfin, c'est un Battle Royale. Là en gros, ils se réunissent tous au même endroit et ils se bastonnent pas. Ah et oui, ils suivent le concert en fait. Parce comme que sinon, si je me dis, c'est un concert à la Covid quoi. Il n'y a plus personne devant, c'est normal. Non, mais grosso modo, dans les jeux vidéo, il y a des fois des rassemblements un peu spéciaux. Sur ce jeu là, on est actuellement à 1300 joueurs, donc pas assez. Par rapport aux chiffres qu'on a eu au-dessus, je trouve que c'est pas conséquent. Bah, on est 100 joueurs de moins que ton troisième, hein, si j'ai bien. Oui, c'est pas si loin que ça. Hein. Ouais. Mais bon. Après, en dessous, on retrouve aussi un autre Battle Royale PUBG, Player Underground, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est un peu le concurrent de Fortnite. C'est le même principe. Qui est assez récent aussi. Il y a 1200 joueurs sur celui-là. En 6ème place, nous avons Dota 2, donc c'est un peu le même Dota type de League of Legends. Dota 2. Je connais pas sûr. C'est la deuxième version. Alors, c'est le même univers que League of Legends, c'est le même créateur. Il y a actuellement 1093 joueurs pro dessus. D'accord. Et pour finir dans le classement, il y a Hearthstone, le jeu de cartes, je sais pas si vous connaissez. Hearthstone. C'est un jeu de. Tu me fais chier avec Starter, alors Hearthstone s'il vous plaît. Allez. J'ai mal compris, non ? Quoi ? Je l'ai mal prononcé ? Ah ouais, totalement. Bah, comment ça Earth. Se prononce alors ? Earth. C'est terre. Earth. Earth. Comme la terre, ouais. Earthstone. La pierre de terre. Ouais. Et ouais, effectivement, ah bah, c'est un jeu de cartes en ligne. Si on a qui m'écoute. Hein. Oh, brave. Du coup, là, par contre, en pro, il y a 828 joueurs pro. Donc, ah, ça fait quand même beaucoup moins. Ouais. Bah, ça fait quand même 800 personnes que pour faire pour faire une compétition, ça commence à faire. Tu me diras, c'est pareil, c'est tout fait par internet avec tous ces jeux-là en fait. Bah, les sélections, voilà, les pré-sélections ligne, en fait, sont, mais après les finales elles sont dans un endroit dédié. Ouais, ils sont reliés en réseau, mais ouais, t'es donc, au même endroit. T'es obligé de venir. La finale, t'es obligé de venir par exemple. Ah oui, bah, même les quarts de finale, la finale, soit tu la regardes sur internet directement ou tu. Ah bah toi, oui, mais je veux dire quand tu y participes. Ah non, oui, les joueurs, pardon, les joueurs ils se déplacent, ouais. Parce que tu fais peut-être, tu sais, des pré-qualifs avant. Tu es fait peut-être chez toi ou dans les comment t'appelles ça, game home, non je sais pas, gaming house. Ouais. Voilà. Voilà, tu es fait là-dedans et puis après tu te déplaces quand t'es sélectionné. Du coup moi j'ai une question à te poser, Jo. Est-ce que t'as déjà fait de l'e-sport? Est-ce que t'as déjà participé à un tournoi d'e-sport? Alors non, je suis vraiment trop mauvais pour atteindre ce niveau-là. C'est beau de l'avouer. Ouais. En même temps. Moi je l'avoue, je pourrais jamais l'atteindre ce niveau. Ces mecs-là ils sont trop balèzes. Donc, En même temps ils font que ça. Oui. Oui en même temps, ouais, mais Jolan aussi. Non, Jolan il joue à beaucoup de jeux. C'est ça la différence. À quoi? À quoi? À beaucoup de jeux. Oui, deux jeux différents, ouais. On se concentre. Je varie parce que tout le temps sur le même jeu, c'est blasant. Enfin, ouais, mais ces mecs-là, ils se concentrent sur un seul jeu parce qu'en fait, pour être expert dans un jeu, t'es obligé de te concentrer. C'est ça que je trouve ça dommage dans l'e-sport, c'est que ça gâche un peu ton côté gamer parce que, ok, t'es bon dans un jeu, mais tu sais faire que ça en fait. Oui. Clairement, tu passes à côté par exemple de Skyrim si tu joues qu'à Counter-Strike. Ah, mais c'est sûr, mais de toute façon, après, c'est comme dans tout métier, tu te spécialises et t'as le côté professionnel qui après passe en premier par rapport à. Enfin, même si c'est ta passion, tu vois, t'as les contraintes du professionnel. La vie de tous les jours. Bah ouais. Ouais. Bah, faut bouffer quoi. Oui. Mais du coup, je trouve que je voulais vous en parler parce que en fait, ça a quand même continué de marcher pendant le Covid. Ils se sont adaptés. Ah bah c'est l'avantage de l'e-sport par rapport à d'autres sports. C'est là qu'ils ont vu que ça peut être utile. C'est là qu'ils se sont dit ah tiens la télé on va mettre des compétitions de e-sport parce que ça on peut. Ça permet de divertir, parce que là en ce moment il y a bientôt il y a les demi-finales de League of Legends et il y avait 30 000 spectateurs la dernière fois quand je suis passé. Donc, en physique ça marche toujours aussi bien quoi. Parce que leur tournoi, il y a aussi un public en tournoi, on est d'accord. Oui, il y a un public. Ouais, Et ça marche vachement, ça j'avais vu, parce que là, l'e-sport, je te dis, en France, en termes de notoriété, c'est assez bas. Mais t'as des pays, notamment. Regarde aux États-Unis, en Corée. Je parlais de la Corée, j'avais dans l'idée la Corée. Et j'avais vu des images où. Ouais, les mecs étaient dans des genre le Stade de France, tu vois, enfin en Corée, bien sûr. C'est vraiment des organisations de dingue. Hein. Ouais, carrément, ouais. Et t'as 4 mecs au milieu qui sont en train de jouer. Voilà, mais. C'est ça, et t'as toute la foule qui applaudit, genre comme si c'était un DJ que t'avais en face de toi, alors que c'est des mecs qui sont en train de jouer. Ils applaudissent pas parce qu'ils veulent du silence. Ils veulent quoi? Ils veulent du silence. Ah, ils veulent du silence. Ah oui. Ah, mais je sais pas, moi j'avais déjà suivi des matchs du tournoi de Clash Royale, donc c'est un jeu de téléphone ou tablette, comme on veut. Ça dure pas très longtemps, ça dure 5 minutes un match, donc voilà, t'as le temps d'en regarder pas mal. Et je dois avouer que c'est chiant. Mais t'as des joueurs professionnels sur smartphone? Ah bah oui. Clash, c'est le plus gros jeu téléphone, je crois. Non mais parce que tu parlais tout à l'heure de comment le jeu Fortnite en disant FIFA en disant les jeux vidéo c'est pas des vrais gamers etc. Enfin tu faisais allusion à ça et je me dis. C'est pas exactement ça que je voulais dire, c'est que. Bon, tant pis, mais c'est pas vraiment ça, mais oui. Enfin, tu vois, il y avait un peu cette idée-là derrière, et je me dis, enfin, les gamers, ça m'étonne qu'ils soient des gamers téléphone, tu vois. Pour moi, le téléphone, c'est un truc un petit peu décalé en disant c'est le genre de jeu que tu joues dans tes toilettes, etc. Tu joues à Candy Crush ou ce genre de choses, mais. C'est vrai, mais clairement, mais Clash Royale, ça a pris tellement d'ampleur. Il n'y a pas que celui-là. Il y a d'autres jeux. Il y a plein de jeux en fait. Même Fortnite, ça est sur téléphone aussi. Ouais, mais ça joue mal sur téléphone, non? Ça joue différent. Bah, ça dépend quel jeu. Il y a Call of aussi qui existe sur téléphone. Il y a plein de jeux. Il y a Minecraft. En compète aussi. Tu peux jouer à Minecraft sur ton téléphone. Mais je le ferai pas. Enfin, en vrai, ça me. Bah, il y a moins de contenu que sur Xbox. Non, mais sans parler de contenu, tu vois, même au niveau graphique, etc. Si je mets hors ça. Enfin, il y a des jeux, tu vois, autant un jeu comme Candy Crush, t'appuies sur l'écran, etc., ça le fait bien. Autant un RPG. Ou ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est moins impressionnant. Je t'avoue que je te rejoins, Théo, c'est un peu compliqué le RPG sur mobile. Bah ouais, essayé, c'est quand t'es au chiot, t'as pas le temps. T'as le temps de faire un tableau de Candy Crush si tu veux, mais pas le reste. Attends, tu parles de moi là en disant ça? Non, on parle des chiottes en général. Hein. Y a pas que qui va aux chiottes. Enfin, je crois pas. Après, avec un mobile, t'as peut-être des émulateurs qui te permettent d'avoir ton truc sur écran. Oui, c'est vrai, t'as des émulateurs qui te permettent d'avoir. Ouais, non, c'est plus la manière de jouer. Comme par exemple, tu vois, ça reste une manette. Hein. Les jeux de tir. Suffit d'avoir un grand téléphone, ça te fait comme une manette. Tu vois. Ouais, mais c'est moins précis. Alors déjà, une manette, je suis pas fan au niveau des jeux de tir. Y a rien de plus précis qu'une souris, quoi. Pour tirer. Je suis pas d'accord. Ah bah c'est, la souris en fait c'est plus pratique d'ailleurs à bouger. Mais oui. Par contre plus précis non, parce que là en fait ton joystick il se déplace sur un carré, donc il suffit juste de te décaler légèrement, oui, et ça bouge plus après. Mais non, mais alors parce que ta souris ici tu bouges. Oui, mais sur les les consoles justement ils facilitent la tâche en mettant du tir automatique. Il y a l'aide à la visée sur. Bah oui, évidemment, parce que sinon c'est hyper difficile. T'es de dos et tu dois le temps t'as que tu te retournes avec la et que la manette, tu précises hein. Avec la manette, avec la souris, le joueur tu mets un combat souris contre manette en même visée, le mec il t'explose qui a la souris. Je dis pas le contraire, mais c'est pas pareil, et puis enfin je sais pas, moi le joystick je trouve plus précis quand tu fais par exemple un tir de sniper, parce que dans l'action une souris c'est largement plus rapide, c'est plus rapide, pas plus précis. Bah si, pour moi c'est plus précis. Non, par contre la précision, si c'est ouf hein. Plus précis. Bah si, en c'est plus pas que c'est plus précis, c'est aussi gamer. Précis en fait, il suffit juste de bien viser, ça faut pas être con. Ouais, tu tires mais quand tu vois la cible. D'accord, mais c'est avec son précision, mais sur la rapidité d'action. T'as pas un tout petit joystick sur ta manette, tu vois, oui. Et la précision de ton mini joystick par rapport à la précision de ta souris que tu peux déplacer sur tout au long de ta table, t'es vachement plus précis avec ta souris, quoi. J'aime pas ce terme. C'est pas plus. D'ailleurs, précis, d'ailleurs pour écourter le terme, enfin le sujet, pardon, vous êtes plus clavier souris ou manette? Ah bah moi clairement clavier souris, mais ça dépend pourquoi en fait. C'est-à-dire que ça dépend des jeux. Un des jeu comme de ça. Jeu, tu veux dire? Bah ouais, un jeu de bagnole, tu vois, sur clavier, c'est pas top. Je préfère carrément un volant ouais, ou un joystick à la limite. Clavier, c'est chaud. Ouais. Mm. Bah moi, je suis total console, donc. Ah pareil. Voilà. Total console. Ouais. Moi, c'est joystick, ah bon, bah, joystick manette. On a bah j'ai joué sur PC aussi, hein, mais c'est pas pareil. Il y a des jeux qui jouent bien sur PC, j'avoue. J'ai plus de mal avec les PC à me rappeler qui fait quoi. Ah, t'as trop de touches. T'as des jeux où t'as trop de touches à affecter et pour te rappeler les touches, c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, l'avantage du PC, c'est qu'en fait, tu peux y brancher n'importe quoi dessus. Tu peux être branché en clavier souris. Bah oui, tu peux être branché en manette, tu peux être branché en joystick, tu peux être branché en volant. Enfin voilà, c'est après, tu y mets ce que tu veux, quoi. Après tous les jeux sortent sur PC, donc la plupart en théorie. En partie. Sauf qu'il est sorti après les consoles, enfin certains. Alors certains sortent après les consoles, par mais contre, souvent il y en a qui sortent que sur PC. Ouais, et puis souvent ça, ceux qui sortent après la version console. Sur PC, ouais, ceux qui sortent après sur PC sont généralement upgradés. Ou en tout cas mis amélioré parce que c'est sur PC justement. Ouais. Par exemple, enfin je prends la série des GTA, ils sont tous sortis sur PC, mais après, souvent un an ou deux ans après la version console, on les a attendus les GTA sur PC, mais par contre quand ils sont sortis, ils étaient nettement au-dessus en termes de qualité graphique que la version console. Peux te le dire, je suis en train de jouer à GTRP sur mon ordinateur en ce moment. Ouais. Enfin, pas en même temps que je vous parle, mais. Ah, c'est pour ça que t'as des absences. Il avoue. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité graphique est beaucoup plus supérieure que sur une console. Bah, ça, déjà, c'est normal. Hein. Une console ne sera jamais aussi puissante qu'un ordi, même si, quand même, non. Là, ça commence à être puissant. Alors, hein, peut j'avoue. Être aussi puissante qu'un ordinateur, mais. Bah, après, c'est un bon ou ça va. Voilà. Tout dépend de l'ordinateur, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu voilà, le problème de quand Windows 95. Ça va pas marcher. Non, mais je parlais l'autre fois avec des amis sur les cybercafés qui tendent à disparaître en France, qui sont encore très prisés dans certains pays d'Amérique latine ou en Afrique, mais qui disparaissent en France. Et en fait la logique elle est là, c'est-à-dire que dans les années 90, début 2000, où t'avais le début de la DSL, etc., et t'avais des PC qui étaient un PC on va dire classique où tu pouvais jouer dessus. Aujourd'hui les PC qui sont mis dans les endroits qui ont offrent des espaces numériques, tu ne suis plus, tu peux pas faire des derniers jeux là-dessus. T'as vu la cavité, il faut changer de matériel. Non mais c'est ça. De psychopathe. Et alors déjà à l'époque il fallait changer de matériel, mais si tu veux l'idée entre le PC bas de gamme et le PC haut de gamme étaient moindres. Dans les cybercafés, t'avais un PC classique et tu pouvais te permettre de jouer à des jeux vidéo. Aujourd'hui, le gamer comme toi, Jolan, t'as ta config, t'as ton setup, tu vois, avec le bon clavier, le bon truc et tout ça. Et tu vas pas aller, dans un espace numérique pour aller jouer en réseau. Déjà, tu vas pas t'y retrouver. Bah non. Moi, je vous le dis, mon PC, je l'ai monté sur mesure, hein, donc je peux pas avoir un PC bureautique pour jouer au jeu que je joue. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que les cybercafés en France, bah, ça existe quasiment plus parce que. Entre les démarches administratives d'un côté, le gars qui va imprimer sa feuille d'impôt et puis l'autre qui veut jouer au dernier. au dernier GTA. C'est un peu grand écart sur ce coup-là. C'est grand écart. Ouais. Pas le même besoin. Pendant un moment, il y avait les deux, tu vois. Bon, ça posait un peu problème de temps en temps, mais globalement, ça fonctionnait bien. Et il y avait. C'était plutôt sympa, quoi, l'idée des cybercafés, parce que t'avais plusieurs joueurs qui se rassemblaient au même endroit. Pour jouer sur le même jeu. Donc ça avait un côté convivial, quoi. Moi, de toute façon, qu'il soit simple ou super ou cyber, j'aime pas le café. Alors. D'accord. Merci de ta réflexion, c'était intéressant. On va dire, c'était pour te couper parce que tout à l'heure, tu vas nous faire un quiz. Un petit jeu, un petit vrai ou faux sur le sport. Mais avant ça, j'aurais un sujet à faire sur un manga de sport qui s'appelle Victory Kickoff. Mais encore avant, on va écouter un titre de Guy Dré. La vie, bah, c'est vraiment de la merde pour elle, apparemment. C'est vraiment triste. C'est de la merde. Les Avengers, dès 21h sur Indestar. Je suis ton émission. Je suis ton père. Oui. C'est exactement cette référence, mon vieux. Référence à Star Wars. On fera une spéciale Star Wars dans l'année. Je sais plus quand, on verra bien. Mais tu l'as prévu. Ouais, je l'ai prévu. Ouais. Je l'ai prévu, mais je sais plus quand. Ouais. En attendant, aujourd'hui, dans Peck Avenger, on vous parle de sport, parce qu'on a parlé déjà tout au long de l'émission, et bien de sport. On vous a parlé de Dragon Ball Z, des tournois de Tenkaichi Budokai, on a parlé de l'e-sport, on a parlé du sport, nous, ce qu'on a déjà pratiqué, de ce qu'on connaît, nos expériences sportives. Ah, si vous avez raté ça, je vous conseille de... Et ça n'a pas duré bien longtemps, quand même. Hein. Oui, c'est vrai, ça a été assez rapide, hein. Je vous conseille d'écouter le podcast si vous voulez revoir tout ça sur indestar.fr ou alors sur les plateformes de podcast dédiées. En attendant, moi ce que je vous propose c'est de vous parler d'un manga que j'adore. Que le match commence. Exactement, que le match commence. Ouais, ça commence bien dans le manga. Vas-y, prends. Alors le manga qui s'appelle Victory Kickoff. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom parce que ce manga là, putain, il a une histoire vachement compliquée. À la base, c'est un roman. C'est un roman qui s'appelle Jinga no World Cup de Hiroto Kawabata. Le gars, il a fait son roman, voilà. Après, il y a une série télévisée qui a été adaptée de ce roman par Tio Animation. Et après cette série animée, il y a eu un manga qui a été sorti. Victory Kickoff. C'est bizarre comme cheminement. C'est quand ça. Même. Ça fait. C'est pas courant quoi. Roman, série télé, manga. En sachant que dans la série télé ça fait 39 épisodes, dans le manga ça fait 4 livres. Donc voilà. Ah, les 39 sont. C'est ça. Là j'ai la série complète, j'ai 4 livres. Si vous voyez le live sur Twitch, vous voyez que j'ai 2 livres dans ma main. Théo en a un et Eric en a un. Voilà. Ça se lit hyper rapidement en fait parce que t'as 2 lignes à chaque page. Hein. J'avais jamais vraiment lu un manga. Effectivement, mais alors par ça contre, ils n'avaient pas de budget couleur. C'est... Non, les mangas c'est rarement en couleur. Les mangas t'as que les couvertures qui sont en couleur. Le reste c'est toujours en noir et blanc. D'accord. Ouais. Ok. C'est bon, tiens. On a perdu Jolan. Jolan, t'es là? Eh ben non. On a dû perdre Jolan parce que je sais pas si vous l'avez entendu, nous on a entendu un tudung. Donc ça veut dire Jolan n'est plus là, mais c'est pas grave. Dès qu'on récupère. bug. Non, c'est l'appel. Bah oui, c'est un appel. Allô, ring, ring, ring, appel. Oui. Jolan, es-tu là? Ben j'essaye de le rappeler, mais ça ne fonctionne pas. Jolan, tu pues. Ça se trouve, il m'entend. Je t'en prie, continue. Oui. Alors, je disais, Victory Kickoff, ça s'appelait Jinga no World Cup, après ça a été une série télévisée, et là, du coup, après, ils l'ont fait en manga. Le gars qui a animé la série télévisée, d'abord, qui a réalisé la série télévisée, je vais en parler un petit peu, il s'appelle Konosuke Uda. Personne connaît, évidemment, les noms japonais. Dis-moi en France, non, c'est clair que ça va pas être très connu. Voilà. Par contre, on le connaît d'une autre manière, c'est lui qui a réalisé les One Piece jusqu'en 2006. Ah, quand même. Donc, toute la série télévisée des One Piece, c'est lui. Et le manga le plus vendu au monde. Donc effectivement, il pèse dans le game, quoi. Le gars, il a pas fait que de la merde. Donc, ouais. La série télévisée, je savais même pas avant de faire mon sujet que ça existait en série TV. Je vous invite à aller regarder parce que ça doit valoir le coup. Mais c'est une série TV filmée ou c'est une série animée? C'est une série animée. Ah, c'est de l'animé. D'accord. Oui. Okay. D'accord. J'ai oublié de préciser. Il y a une histoire d'amour entre un garçon et une fille là-dedans, non? Du tout. Ah bon? Non, mais par contre, alors, il oui, y a une fille. Ouais. Qui fait du foot. C'est ça. Oui. C'est ça que j'aime bien dans ce manga. Voilà. Il y a un côté un peu sexisme au début. Enfin non, justement anti-sexisme. Ah, comment on dit? Anti-féministe. Bah non, féministe. Bah non, ah non, féministe. Féministe. Oh putain. Te plante pas, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. En ce moment. Et une fille qui se prend pas pour de la merde. Hein. Je préfère te prévenir, j'étais la meilleure joueuse de l'équipe de Osaka. Osaka. Osaka, ouais, c'est une région au Japon. Et c'est sympa de prévenir. Ouais. Mais justement, en gros, le gars, le héros principal, il s'appelle Sho Ota. C'est un jeune garçon qui a 12 ans. Sa passion c'est le football, il respire football, il vit football, voilà. Son problème c'est que son équipe au collège, ben, elle a été dissoute parce qu'il manquait de joueurs. Voilà, donc il peut pas jouer au foot, il est en CM2, hein, donc voilà. C'est vrai qu'au Japon, c'est pas, je suis pas sûr que le foot soit le sport répandu. Le plus répandu, c'est plutôt le baseball, il me semble. Il y a du baseball et. Ah, c'est comme en Amérique ? Ouais, ils sont très baseball. D'accord. Ils sont très baseball, ils sont très aussi les sports, comment dire, sans accessoires. Type gym ou arts martiaux aussi. Ah oui, les arts martiaux. C'est classique sans, aussi. Sans compter les arts martiaux, oui. Bien sûr. Mais en sport d'équipe, on va dire. Oui, parce c'est vrai que. Baseball, c'est sont pas très foot. Hein. C'est plutôt baseball. Ils sont au futsal, à la rigueur. Ils pratiquent plutôt bien le futsal. Ah ouais, le foot tout court, pas trop, mais le futsal, ça. Donc pas trop de soccer, mais soccer sale. C'est ça. C'est dégueulasse. Et du coup, ce garçon, bah, il est triste. Enfin, voilà, il va se balader, il va rencontrer une fille qui joue au foot. Mm-hmm. Du coup, il va se dire, oh putain, il faut que je la recrute pour mon équipe, voilà, parce que je veux pas que mon club y ferme. Et après, il déchire son short. Il déchire son short quand il affronte. Parce qu'en plus, ouais, alors la fille, elle s'appelle Erika. Pardon. Quoi, elle a coulé. Pardon. Elle s'appelle Erika. Il dit, oh bah tiens, je vais te défier, comme ça tu pourras rejoindre mon équipe. Ce problème c'est qu'elle a joué avec son chien au ballon. Oui. Et du coup elle dit, bah si t'affrontes mon chien et si tu le bats, pourquoi pas. Elle joue avec son chien au ballon. Ouais, c'est-à-dire que le gars Ota, il affronte le chien. Pauvre bête. Non, ouais. Non, il joue au ballon et il est bon le chien, hein. J'aimerais bien avoir un chien qui joue au ballon. Il paraît que c'est le meilleur chien du monde. Ouais, sans doute. Bah c'est elle qui le dit, hein. C'est fort possible. Et en quelle classe elle est, elle est aussi en CM2, si je me trompe pas. Ouais, c'est tout à fait ça. Normalement ils ont le même âge, hein, parce que ils sont censés être dans la même équipe. Ouais. Voilà. Ouais. Donc du coup il la rencontre, voilà, j'ai dit du coup mais on s'en fout. T'as pas dit qu'elle avait un beau vélo aussi. J'ai pas dit qu'elle avait un beau vélo. Et donc ils vont reformer une équipe à deux, quoi. Elle va pas accepter tout de suite, d'ailleurs elle accepte pas en fait. Ça se termine comme ça, elle accepte pas, fini, ils rentrent chez eux et ce problème c'est que elle vient d'emménager, elle vient d'Osaka et eux ils sont pas à Osaka, ils doivent être à Tokyo je crois, dans. Je sais même plus où est-ce qu'ils sont. Je sais plus où se passe l'intrigue et du coup elle emménage, c'est son premier jour d'école et comme par hasard elle tombe dans la classe Dota. Dota, bah t'as qu'à faire. Le destin. Ouais. Voilà. Du coup il va la pousser à venir dans son équipe. Mais elle se dit ouais, un mec ouais ça vaut pas le coup et en plus c'est un mec, j'aime pas jouer avec les mecs parce que les mecs voilà ils se prennent trop pour des oufs. Non mais c'est ce qu'elle dit. Non mais attends, moi ça me fait mal. Elle a un côté arrogant. Elle est très arrogante parce que en même temps elle a pas tort. Ouais mais elle dit désolé, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre, j'imagine même pas le reste de l'équipe machin, moi on me surnomme l'étoile filante, blablabla, ouais, blablabla. Parce qu'elle était douée, Osaka c'était une championne. Ouais mais après et surtout les mecs ils font rien que se vanter. Bah oui mais enfin regarde-toi déjà meuf. Ouais mais elle a raison. Bah non. J'avoue. C'est pas parce que t'es doué que t'es obligé de te vanter. Bon effectivement ça reste, ça a l'air d'être un manga assez engagé pro, oui. Pro féminin. Mais juste enfin par la suite il y a l'entraîneur qui a dissous l'équipe, l'entraîneur du collège, il va y avoir une remarque très sexiste. Alors une fille en plus, ah non ça on en veut pas. Oh, il pète le game. Alors elle du coup elle va prendre la mauvaise, enfin la mauvaise bouche, enfin comment on dit, non c'est pas mauvaise bouche. Mauvaise bouche, je ne connais pas cette mauvaise expression. Mauvaise mouche. Ah là, elle va prendre la mouche. Prendre la mouche. Qu'est-ce qu'on mauvaise ou pas. Elle la bonne et la mauvaise, on s'en fout. Et du coup elle va cogiter là-dessus. Elle se dit putain, je les vénère. Du coup ça fait beaucoup du coup. J'avoue, je m'en rends compte là, je les compte un peu. Et elle va essayer de faire changer cette vision en montrant que les filles, bah ouais, ça joue très bien au foot. Et pour avoir joué au foot avec des filles, ça joue mieux qu'un mec, hein. J'avoue. Bah, tu regardes. C'est pas les mêmes. C'est pas le même état d'esprit et c'est ça. Non, qui mais c'est pas la même façon de jouer sur ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais, et c'est justement, c'est ça qui est mieux. Moi, je trouve. Parce que les gars, ça tombe tout de suite. Hein. Enfin, ah, ça simule. Les rôles sont inversés cette fois-ci. Non mais un mec, c'est arrête, j'en ai marre. Bon, c'était, voilà. C'était la blague du soir. Du coup, ils sont tous les deux. Il essaie toujours de la convaincre. Ils vont rencontrer une fille, une adulte qui s'appelle Misaki Shimizu. D'accord. Et elle est entraîneuse. C'est mieux. C'est une joueur professionnelle de foot au Japon. Shimizu. C'est mieux. Oui. Ouais, non. Shimizu. Ouais. Misaki Shimizu. Ah. Mais on sait pas qui Shimizu, hein. Mais Shimizu, oh, c'est le truc. Non, pas celle-là. Je suis désolé, j'ai rigolé. Attends, il marque un point. Un but, allez. On n'a pas de goal, mais bon. Il rencontre cette fille. Oui, c'est elle. Oui. Et c'est une joueuse, c'est une milieu japonaise, enfin milieu de l'équipe japonaise, du coup, elle passe dans le game. Il la rencontre, c'était une des héroïnes d'Erika. Il dit oh, elle est cool, regarde Sho, elle est cool. Sho, lui, il est parti, il dit bon, tiens, on va la défier. Balek, hein, c'est une joueuse pro ou pas, on s'en fout, on va la défier. Du coup, elle a quel âge? Elle est si elle est joueuse professionnelle, elle est plus âgée. Ah, ouais, non, ils sont âgée, pas ouais. Du tout du même âge. Hein. Ah, d'accord, ok. Ah, mais Balek, elle doit avoir, je sais pas, la vingtaine, un peu plus. D'accord. Eux, ils ont 12 ans. Oui. Il la défie. Ils perdent, évidemment. Ils perdent avec panache. Et cette fille-là va se rendre compte qu'ils ont quand même un potentiel. Ils jouent bien en duo et tout. Sho, il arrive bien à voir les points forts d'Erika. Et Erika est très rapide et maîtrise bien son ballon. Voilà. Donc ils vont la supplier de devenir l'entraîneur parce qu'ils ont besoin d'un entraîneur. Ils ont besoin d'un nouveau entraîneur parce que l'ancien, il est dissous équipe. Et c'est là qu'elle va leur suggérer la solution de pas forcément faire une équipe de collège, mais une équipe tout court qui pourra participer à des concours régionaux. Des équipes de 8. Ça se fait beaucoup au Japon apparemment, des équipes de 8. Ah ouais. Du soccer à 8. Vu qu'il y a moins de joueurs, ils sont des équipes de 8. C'est ça. Et tu peux faire des tournois régionaux. Je tout connaissais ça. Le football à 5, mais pas. À 5, oui, c'est pour nous, c'est le futsal, hein, clairement. Ouais, ouais. Eux, c'est à 8. Bon. D'accord. Et là, il se dit j'ai peut-être quelque chose à faire, je vais recruter des joueurs. Du coup, je vais aller voir mes anciens camarades de CM2 parce qu'ils étaient bons. Enfin, 3 de leurs joueurs étaient bons en tout cas. C'est 3 plus 2, ça fait déjà 5. Voilà, 3 plus 2, ça fait déjà 5. On est pas loin des 8. Hein. Ils sont pas loin des 8. Ils sont pas loin des 8. Ces 3-là, c'est des triplés. Les triplés Fourier. Ça me rappelle les jumeaux dans Capitaine Tsubasa. C'est pareil, il y avait des jumeaux. C'est bizarre, mais ça va pas être le même délire. Eux, ils fonctionnent pas vraiment en symbiose. D'accord. Ils se ressemblent. Ils ont pas la même coupe de cheveux, c'est la seule chose pour les différencier. Par contre, ils ont chacun leur spécialité et ils travaillent pas forcément ensemble. D'accord. Il y en a un, c'est un milieu de terrain de génie. Il y en a un, il utilise les corps des adversaires comme obstacle. Enfin, en gros, il tire et ça fait une passe. Ah, le génie. Ah, je l'adore celui-là. Et en plus, c'est le petit connard, le petit bâtard qui sait tout sur tout, qui sait analyser. Il a tout compris. Ouais, je l'adore, c'est mon préféré perso. Et après, t'as l'attaquant de base qui tire. Un météore, on va dire, voilà. Chez le bourrin, quoi. Oui, et donc, avec ces trois joueurs en plus qui doivent convaincre, évidemment, donc ils les affrontent aussi, ils perdent, ils sont rétamés, parce que, bon, ils font pas le poids à deux contre deux, même s'il a joué fair play, ils jouent deux contre deux. Les jumeaux, c'est Ryuji et Kota, c'est ça? Alors, ils s'appellent Ryuji, Kota et Ozo. Et Ozo, ouais. Ouais, c'est... Ozo... Non, Ils sont cinq, ils vont créer l'équipe des Momoyama Predator. Ça envoie du mot, j'aime bien ce mot. Predator. Et ils vont se fixer comme objectif pas d'être les meilleurs régionales, pas d'être les meilleurs départementales ou nationales, pas d'être les meilleurs au monde, d'être les meilleurs de la galaxie. Ah bah carrément, c'est carrément. Le petit objectif qui va bien avec, c'est ça. Avec l'idée du départ qui est de dire je suis la meilleure. Dans le début de l'histoire. C'est étoile filante. C'est ça. Dans le début de l'histoire, ils vont recruter 3 autres joueurs, donc un gardien, une défenseur et l'autre, je sais pas à quoi il sert. Effectivement, un gardien, ça peut servir, ouais. Ouais, ça peut servir. Mais eux, c'est des. Comment dire, clairement, dans le manga, c'est des bouches-trous. C'est les troisième couteau. Oui. Sauf la défenseuse. La défenseuse, elle va avoir un rôle très important après, qui s'appelle. J'ai oublié son nom. Parce que pas encore, j'en suis pas là. Et donc, dans le football à 8 au Japon, c'est du mixte. C'est du mixte, ouais. Tu peux faire des tournois mixtes. C'est pour ça que moi, je trouve ça. Enfin, cette initiative est très bien. Clairement, le point de vue de l'auteur, moi, j'adore. Je kiffe ce manga. Je vous le conseille, franchement. D'accord. Mais c'est tiré de la vie courante, je veux dire, le football au Japon à 8, c'est mixte ou c'est vrai ou c'est juste pour le manga? Bonne question. C'est une très bonne question. Je me le demande. C'est à voir. J'aurais dû rechercher ça. Jolan Jolan Jo, t'es né au centre. Je suis là, oui. Dors pas. tu peux nous chercher à savoir si c'est courant de jouer à 8 au Japon au football? De jouer à 8? Oui. Oui. Le football, il joue à 8. Oui. Ah, le football, vous parlez, pardon. Oui. J'avais pas compris. Oui, oui, bah, le par truc, rapport le truc qu'on parle depuis tout à l'heure, bah, tu sais, le manga, oui, non, mais là. Dis, non, mais arrête, tu sais, le truc là, Dragon Ball. Donc, est-ce que le football au Japon, ça se joue couramment à 8? Est-ce que ça joue mixte? Et est-ce que c'est mixte? Ouais. C'est pour ça qu'ils font pas la Coupe du Monde, en fait. C'est parce qu'ils arrivent qu'à 8, on leur refuse l'entrée. Et vous êtes pas nombreux. Alors, effectivement, c'est bien joué à 8. D'accord. Et c'est mixte? Attends, je vais te dire ça. Dans tous les cas, je continue. Les joueurs bouche-trou, là, le gardien et l'autre défenseur, ouais. Eux, ils servent à rien. Enfin, ils sont là en tant que bouche-trou en attendant des vrais joueurs. C'est sympa. Ouais, parce que grosso modo, là, ils sont 5, on va dire, tête d'affiche, voire 6 avec la défenseuse. On va suivre son parcours qui est difficile parce que c'est une petite. C'est une petite grosse. Clairement, une petite grosse. Non, ouais, voilà. J'ai pas l'impression. Et elle connaissait rien en foot. Ah ouais. C'est elle qui va avoir la progression la plus impressionnante parce qu'elle avait jamais tapé dans un ballon avant. C'est un petit fissage dans son coin. Et du coup, elle se met au foot. Voilà. Pendant deux mangas, oui, tu vas la voir. Elle va faire les tournois, elle va pas trop se mettre en avant. Et après, elle disparaît. Elle disparaît. Elle va en vacances. Tu la revois. Mon pote, elle est maigre comme un clou. Elle a séché. Et ça devient super défoncé. Si elle est maigre, comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est normal dans les mangas, ça. C'est un classique. Ah bon? Ah bah oui. Ils vont tous partir s'entraîner. Tu sais, dans les mangas, il y a toujours une période où ils disparaissent. C'est l'entraînement. Dans Fairy Tail, par exemple, c'est 7 ans. Ils disparaissent, paf, ils reviennent. Là, c'est pas un entraînement, c'est un régime. C'est 3 ans. Bon, ouais, voilà. Oui, voilà. C'est ça. Dans One Piece, ils disparaissent 2 ans. Ils ont tous des périodes à un moment où que on arrête tout, on s'entraîne. C'est 7 ans qu'ils disparaissent. Ouais. Ils disparaissent 7 ans, mais 7 ans. Après, il faut qu'ils s'entraînent pendant un an, je crois. Oh, je sais plus. Un an ou deux, je sais plus. Je suis à la saison 4 là. Ah, je suis à la dernière saison sur Netflix. Et Fairy Tail, faudra qu'on en reparle. C'est qui l'entraîneur Anashima, alors, ils ont demandé comme entraîneuse la joueur professionnelle à Misaki, oui, Shimizu. Le seul problème, c'est qu'elle est joueur professionnelle, du coup, elle n'a pas le droit d'entraîner une équipe. Mais elle va les suivre de très près et elle va leur proposer un autre entraîneur. Enfin, ils l'ont trouvé par hasard. C'est un gars qui était complètement déchiré. Et c'est ce mec-là, j'ai oublié son nom. Bah, il s'appelle Anashima. Anashima. Alors, le mec complètement déchiré, pour le coup, dans Capitaine Tsubasa, j'en reviens à ça, hein, c'est l'entraîneur de Mark Landers. Quand tu regardes sa gueule, il y a une tête de poivreau, quoi. Et puis d'ailleurs, il y a une bouteille tout le temps à la main. Bizarrement, les entraîneurs, il a fait une tête de sportif, quoi. Ah non, ouais, tout sauf sportif, quoi. Alors par que contre, il en fait, il fait de Tom, enfin de Mark Sanders, une bête de course, quoi, oui, en termes de joueur de football. Oui, voilà. Et là, l'entraîneur, lui, c'est un ancien joueur professionnel qui était bon. Hein, il s'appelait l'éclair foudroyant, son surnom. Donc, il pèse dans le game. Il a entraîné une équipe de poulains lui aussi, mais là il s'est retiré du truc parce qu'il y a un de ses poulains qui s'est blessé gravement, du coup il voulait plus entraîner l'équipe. Oui, non, c'est une blague. C'est bon, c'est bon. Et là ils vont le supplier de le prendre et il va accepter. Voilà. Donc, ça sera leur entraîneur officiel. Après, il y aura toujours Misaki Shimizu qui, par la suite, sera plus. Enfin, qui les entraînera d'une autre manière vu qu'elle a pas le droit de les entraîner officiellement. Enfin, elle a pas le droit de devenir l'entraîneur officiel. Voilà. Bah, elle va les suivre quand même. D'accord. Et plus tard dans le manga, ils vont rencontrer effectivement un gardien de génie et un attaquant de génie. Ils font partie d'une équipe rivale de base. Ouais, ils vont faire quoi? Ils vont larguer les autres, non? Oui, parce que les autres, c'est des poids, enfin, c'est des CM1 déjà. Ouais. Donc ils ont le droit de faire des tournois, mais hors dehors de la scolarité ensemble. Mais ils sont pas assez bons, enfin, ils vont pas vouloir rester. Ils vont vouloir partir. D'accord. Et le chien là-dedans, il a quelle histoire? Parce qu'au début, elle jouait avec son chien, mais il fait. C'est juste de l'intro. Ah oui, d'accord. Après, il fait plus partie, parce qu'on le voit par la suite, hein, mais il fait plus partie de l'équipe, quoi. On est d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Mais donc, du coup, ils recruteront un super gardien qui s'appellera. Enfin, son surnom, c'est le bouclier. Et l'épée, vu qu'ils étaient dans la même équipe, ça fait bouclier épée, ça fait équilibré. C'est sympa. Ils ont tous des petits objectifs personnels. J'avoue, l'épée, par exemple, son objectif, c'est de retrouver son père, parce que c'est un joueur de génie. Enfin, on lui a dit qu'il jouait au foot. Et il sait pas qui c'est. Donc du coup il s'est dit bah je vais briller dans le foot. Comme ça bah je vais le retrouver peut-être. Il me verra et voilà. Le gardien je sais plus. Ah si, c'est protéger justement son ami. Ce qui est classique. Erika, son but ça va être de montrer que les filles elles ont la patate, elles peuvent battre les mecs faciles. Erika c'est de la volonté d'elle-même, c'est de la persévérance et tout ça. Et le gardien bah il est là. Enfin non pas le gardien, le capitaine Shota, le héros principal. Bah c'est le capitaine du coup, il est là pour mener la danse. Voilà. D'accord. Et l'objectif est de devenir les champions de la galaxie. J'aimerais vous poser la question, comment on devient le meilleur de la galaxie? Comment on devient le meilleur au monde ou de la galaxie. Beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, ouais, mais comment tu y arrives à ce titre? Comment tu pourrais y arriver? En tournoi de foot, nous, qu'on pourrait connaître. Ah. Galactic Football. Et bah, gagner la Coupe du Monde. Ouais, j'avoue, le goal, c'est pas mal. Ou l'arbitre dans le corner. Non. Et la Coupe du Monde, non, t'en es encore loin. Ah bon? Parce que la Coupe du Monde, c'est plusieurs équipes avec chacun leurs joueurs respectifs qui s'affrontent. Mais si les meilleurs joueurs de ces équipes se mettaient dans une équipe. Ouais. Genre, tu vois, Cristiano Ronaldo, je connais pas les autres joueurs. Zinedine Zidane, par exemple. Ouais. Michel Platini. Notre gardien, Lloris. Lloris, il est bien placé. T'as pas plus vieux, non? Plus ça va. Plus c'est vieux. Ah, Buffon. Buffon, le gardien, lui, c'est un gardien de légende, Buffon. Barthez, oui aussi. Ouais, ben, imagine tous ces joueurs dans une même équipe, ça arrive en plus lors des matchs de ça gala. Ça s'appelle le PSG. Oui, mais ça servira à rien, Teddy, parce que si t'as une seule équipe où t'as tous les meilleurs joueurs, c'est l'équipe du Qatar, c'est normal. C'est pas intéressant. Il faut comme du match. Pognon là, les enfants. C'est pas intéressant. Bah non, ce qui est intéressant, c'est quand t'as deux équipes qui sont à niveau. Et si eux, ils ont décidé d'affronter ça. C'est-à-dire. La meilleure équipe au monde pour eux, c'est les meilleurs joueurs qui se réunissent pour un match de gala et ils ont décidé de l'affronter. Ah, ils veulent affronter les meilleurs joueurs. Voilà, ouais. Tous dans une même équipe. Ouais. On y va, on mais y croit. Ils sont un peu foufous, hein. Ouais. Et ben si je vous dis que c'est ça leur objectif. D'accord. À 12 ans, là, hein, on est d'accord. À 12 ans, ouais. Ils ont l'espoir de battre des pointures. Ah, ils sont complètement tarés. Alors, je vous en dis pas plus, mais quand même, je pense que là, ça vous donne quand même envie de le lire. N'hésitez pas, franchement, parce que rien que pour ce match, c'est épique. La préparation de dingue qu'ils vont faire avant, parce que évidemment, 12 ans. On est bien d'accord qu'il n'y a que 4 tomes là. Il n'y a que 4 tomes. Il n'y a que 4 tomes. C'est concentré alors. Hein. C'est concentré. C'est concentré. D'accord. Voilà. J'espère que vous avez envie de le lire parce que moi j'ai adoré personnellement parce que c'est une belle petite histoire. Ouais. C'est une belle petite histoire. Il y a une belle petite anecdote de. T'as dit quoi, Jolan? Je disais, il y a combien de tomes? 4? 4, d'accord. Je suis Paul. On a perdu Jolan. Non, je suis fatigué, désolé. Ouais, ça fait pas beaucoup pour autant d'histoires, pour une histoire si longue, quoi. Je veux dire. Non, ça, c'est moi qui raconte mal. Et tu disais, t'as une anecdote Ouais, non, par rapport à ce que je suis en train de lire là. Anecdote du moment qui dit on va rentrer nous aussi, évidemment, c'est normal pour une jeune fille jolie comme moi. Et l'autre, il dit comment? T'as un couvre-feu? Voilà. Actualité. Et oui, ça c'est spécial dédicace à nos amis qui sont dans les grandes métropoles. Et bientôt nous, voilà, ça c'est dit. Ah, ce que je vous propose maintenant, alors évidemment on va écouter de la musique parce qu'on est sur Indestar, on écoute toujours de la musique. Et après cette musique, on va faire le sujet de Théo, donc il va nous parler de jeux de voiture, de jeux de course. De voiture, ouais, c'est préféré, sport, c'est pas préféré. Tous ceux qui sont disponibles, comme ça vous pourrez faire votre petite section. Et il nous a préparé un petit quiz. Ça fait bien longtemps que je l'ai fait, ma petite section. Ta petite. Ah, c'est il nous a préparé un petit quiz. Oui. Et Jolan, tu vas avoir un rôle très important. Tu vas prendre cher. Oula. En gros, tu fais peur là. Là, vous le voyez si vous nous regardez en live Twitch. Nous avons des petites ardoises avec Eric. Et du coup, Jolan n'est pas là, évidemment, donc il a pas d'ardoise. On va jouer. Je peux noter sur un calepin, non? Non, attends, il y a mieux. Parce que toi, tu vas être en différé de nous, donc à chaque fois, ça va être pas forcément. Petit. Ah bah oui, forcément, putain, merde. Toi, tu vas avoir le rôle de l'arbitre. Ah, j'explique. En gros, Eric, on va jouer l'un contre l'autre, on va devoir trouver les bonnes réponses. Et du coup, c'est pas Yann qui va donner les bonnes réponses, c'est toi. Mais toi, tu les sais pas. Y a que Yann qui les sait. Du coup, tu devras dire un truc et faire style que t'es sûr que c'est ça. Alors que tu. C'est pas forcément. Ah bah non, c'est quand même chelou ça, comme truc, hein, mais ouais, ton principe, parce qu'en plus, tu dis en termes de rapidité, mais t'as des ardoises, t'es dit. Donc ah, pourquoi oui. Jolan pourrait pas avoir le mais temps c'est de. Mais j'avais pas envie que Jolan joue. D'accord. Non, mais dis-le tout de suite. Oh, l'enfoiré. Non, mais j'aimais bien ce rôle d'arbitre. Genre, ouais. Tu vois, tu dis ah non, c'est pas ça, les gars, vous êtes plantés, c'est ça. Et après, je voulais que Théo dise bah non, Jolan, c'est pas ça. Ah, ça y est, j'ai changé de prénom. Oui, non, mais oui, on fera ça comme tu veux. À moins que ça te plaise pas comme concept. Non, mais moi, j'aimerais bien vous demander vos avis et après demander l'avis de Jolan. Genre, je ne dis pas les réponses, je demande l'avis de Jolan et comme ça, après, on donne les réponses à chacun et je donnerai la bonne réponse à la fin quand même. C'est pas mal. Oui, on peut procéder comme ça sinon. Procédons comme ça alors. Ok. Ok. Donc on va écouter Jasmine Thompson et son titre. Mais je suis en train de le dire. Écoute, ah pardon. Jasmine Thompson et son titre Funny. Peck Avenger, c'est comme dans Duke Dumpkin. Oh ouais, c'est l'heure de botter des culs. Mais en différent. Ouais, c'est pas faux, on bottera des culs. Après le sujet de Théo. Non, on peut botter des culs tout de suite. Quoi, tu veux botter des culs? Jolan, ramène ton cul. Le tien, ouais. Et oui, on va botter des culs dans le quiz sport de tout à l'heure. Ouais. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais avant ça, tu vas nous parler un peu des jeux de voiture de course. Enfin, ouais, bah alors c'est pas vraiment un sujet, mais c'est une petite sélection des jeux de voiture auxquels j'ai joué ou pas d'ailleurs. Hein, mais ce que j'en pense, ouais. Les jeux de ma génération, de la nouvelle génération, etc. Je les ai mis en vrac. Hein, et il t'en manque un. Il m'en manque un certainement. Mais ouais, après, il en manque plein. Oui, mais ouais. Il en manque plein. C'est mais j'ai essayé de un peu plus cibler simulation que arcade. Dans le genre, on fait du sport, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai quelques jeux d'arcade. Ouais, tu voulais me dire Super Mario ou un truc comme ça? Ah non, du tout. Je voulais dire Rocket Mario League. Kart. Ah oui, Rocket League, tout à oui, avec, avec du foot et bah des oui, voitures. Trop bien, c'est ça. Foot et voitures mélangées ouais. Dans un truc. Mais... J'ai joué à ça, mais alors par contre c'est très arcade, hein, ouais. Rocket mais c'est League. Mais c'est marrant. J'avais vu. Ah, un... Tu as joué déjà, Théo? Ouais, je l'avais. J'ai même joué. Ça va t'étonner, Jojo, mais j'ai même joué en réseau internet avec mon cousin. Oh. Et oui, on faisait des petites parties de Rocket League. Ouais. Ça a pas duré longtemps hein, parce que c'est sympa. Par contre, faut pas être nerveux, quoi. Il y a un record du comment monde ça, sur Rocket League. Nerveux. Bah si, faut être nerveux, ça se joue hyper faut vite. Faut pas être nerveux, faut pas, je veux dire, faut pas faire comme moi, faut pas rager tout le temps. Ah bah non, je ne rage pas. Ça c'est pas, moi, c'est pas être nerveux. ça être vénère, ça c'est différent. Mais oui, voilà, c'est, oui, bon. J'avais vu un record, j'ai vu une vidéo d'un record, en fait, ils essayaient de battre le record du monde de voitures empilées dans Rocket League. Ah. Du coup, ils empilent des voitures, c'est assez fun. D'accord, ouais, c'est un détournement du jeu, quoi. Why not? Moi il y avait un jeu et on en parlait tout à l'heure en off avec Eric qui est un jeu de simulation qui est la référence en tous les cas sur PlayStation de la simulation automobile, c'est Gran Turismo. Ouais. Gran Turismo, c'est... Ah ouais, mais ça a été une révolution quand c'est sorti. Ouais, parce que en fait c'était la première fois. Bon alors c'était la première fois déjà qu'une console pouvait afficher de la 3D et qu'on pouvait avoir un semblant de simulation. Mais ouais. C'est vraiment la première fois aussi qu'il y a un jeu vidéo qui s'est dit on va faire de la simulation, donc d'avoir un comportement de la voiture qui ressemble le plus possible à ce qu'on peut ressentir ouais. En réel. Avec l'usure des pneus et tout. Hein. Et exactement. D'ailleurs, dis-toi que moi j'ai touché au monde de la compétition en F1. Grâce à Gran Turismo. Ouais, alors d'accord. C'était pas, enfin, il y avait un volet rallye dans Gran Turismo, mais je trouve oui, que c'est pas forcément le volet de la série qui m'a plus marqué. Je trouve que c'est quoi toi qui t'a marqué? Bah, c'est plus le volet route en fait que le volet rallye, tu vois, parce que à l'époque il y avait déjà, t'avais des Colin McRae rallye par exemple. Bon, c'est à peu près, je sais pas lequel est sorti avant, mais c'est à peu près dans les mêmes années Colin McRae rallye, etc. Et Gran Turismo, mais Colin McRae. Ouais. Et était vraiment typé rallye, alors que je trouve que Gran Turismo, à la base, c'est plus un jeu de route que de rallye, même s'il y avait ce volet qui était incorporé dedans et qu'on pouvait tout à fait exploiter. Mais je le trouvais meilleur en simulation route pour le coup. Moi j'ai une question, parce que du coup moi je connais un jeu de voiture qui s'appelle Forza. Oui. Il est sorti avant Gran Turismo, parce que Forza et Gran Turismo, ah, on non, peut non, dire non, quand non, même non. C'est des rivaux. Forza c'est arrivé non. Après il largement Forza après. Forza est venu bien après hein. Ouais. D'accord. Bah déjà Forza gagné. c'est Xbox. Ouais. Donc déjà la Xbox est arrivée bien après la PlayStation, ouais, parce qu'elle est arrivée même après la PlayStation 2 je crois, la Xbox. Elle est sortie début des années 2000. Donc alors que Gran Turismo c'est sorti sur PS1, donc genre 95, 96, quelque chose comme ça quoi. Donc c'est voilà, il y a eu Gran Turismo, je crois que genre comment Forza ça a dû sortir à peu près à l'époque de Gran Turismo 4, Gran Turismo 5, quelque chose ouais, du genre. Oui, à peu près, ouais, je regarde sur internet mais c'est ça. Hein. Et pourtant pour l'aspect découverte, tu sais comme tu disais pas course, ouais. Mais l'autre aspect de se balader avec sa voiture, Forza je le trouve mieux que oui. Gran Turismo. Ah oui, oui, parce que clairement, Gran Turismo est une simulation de course automobile. Ah, c'est que de la course automobile. Donc tu as des circuits qui sont des vrais circuits, hein, des circuits comme Laguna Seca par exemple, enfin, des vrais circuits existants qui sont reproduits dans Gran Turismo et tu ne fais que ça, contrairement à d'autres jeux. Mais là, ouais, clairement, c'est alors que Forza, c'est plus un monde ouvert où tu vas te balader ou faire la course, mais dans comme un monde dans ouvert. Carbageddon. que oui, peut-être. Non, moi, le c'est, premier c'est jeu... C'est un jeu de voiture aussi, mais... Ah, je connais pas celui-là. Ça n'a rien à voir, c'est... Le but du jeu, c'était ta bagnole et t'écrases des gens. Ah, d'accord. Ah, okay. Ça, c'est cool. Ah, bah, c'est voilà. GTA, le bon c'est jeu de chauffard. C'est GTA, ça. Alors, un des premiers jeux, en, justement, en monde ouvert, où tu pouvais pas écraser des gens parce qu'ils se mettaient contre les murs rapidement et que j'y ai passé des heures, ouais, c'était Midtown Madness. Et avec la version 2, moi, j'ai eu la Midtown Madness 2. Et t'avais deux choix de ville, hein. T'avais San Francisco et Londres. Alors t'avais le mode course classique, hein, avec finalement des barrières sur les côtés et tu devais suivre le tracé. Et ouais, puis t'avais le mode cruise, ouais, le mode où t'étais dans la ville et tu pouvais te balader. Et là tu pouvais t'imaginer une vie, hein, très clairement. À 14 ans, moi j'avais le volant, j'avais ma petite voiture. Ouais, mais non, il devait pas y avoir que moi. Mais j'étais chauffeur de bus, je m'arrêtais à différents arrêts. J'étais chauffeur de bus. Ouais, j'étais chauffeur de bus et je m'amusais. Il y avait un espèce de parking souterrain pour ceux qui avaient le jeu. C'était génial, ce parking. Et en bus, c'était une galère à faire les créneaux. Mais, dans créneau faire... mais je m'amusais. Forcément, c'était le parking où j'allais chercher mes enfants, tu vois. Et ça l'a entraîné pour avoir son permis. Ouais. Du coup, il a le permis bus. Mais qui va faire un créneau avec un putain de bus, d'ailleurs? Mais parce que c'est ça qui est plus amusant. Un mec qui conduit un bus. Évidemment. Et pour en revenir, oui, à, la... Non, mais... pour en revenir à la course, oui, automobile. Dans le contexte, on est d'accord. Jeu des années 90 qui a assez marqué les esprits aussi, c'est Need for Speed. Qui est pareil, ouais, sorti sur PS1 et sur ordinateur, hein, bah, ouais, la version PC à peu près au même moment. Need for Speed, Need for Speed 2, etc. La version PC. Oh ouais. Je crois que la version PC est sortie avant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sorti avant. Dans la première moitié des années 90, ouais. J'en avais un sur PS1, Need for Speed, et je l'ai avec mon frère, on y a joué beaucoup, évidemment. Mm. On l'a bien fini, il y avait même des voitures caché, on va dire, ou que c'est des voitures fantômes qui doublaient, genre toi tu roulais peut-être à 200, elle roulait à 300. Ouais, il y a un jeu qui m'a marqué, pardon, je te coupe tes lignes, pendant ma jeunesse, il y a un jeu qui m'a marqué, c'était Burnout, je sais pas si c'est ça, oui, le nom. Oui, oui, Burnout. C'est pas un jeu, ça. Alors, non, mais non, c'est, mais putain, c'est quand t'as un problème de oui. Si, si, les Burnout, alors c'était sur PS2 notamment. Hein, PS2 et GameCube. Ouais, et ces jeux-là qui étaient très typés arcade, en gros, c'était de la course, mais voilà, t'envoyais les voitures dans le décor, etc. C'était vraiment de l'arcade pure. Cool. Mais c'était marrant parce que moi j'ai bien aimé les Burnout parce que c'était relatif à une époque, c'était vraiment mon adolescence, hein, pour le coup. Et toute l'ambiance sonore, etc. C'était la mode de casser ses bagnoles. Non, mais non. non, mais l'ambiance du jeu, en fait, c'est comme les SSX, pour ceux qui aiment la glisse, etc., qui sont sortis dans ces mêmes années sur PS2 et compagnie. C'était l'époque où c'était ce qu'on appelait du skate rock, donc Avril Lavigne, Offspring et compagnie. Et t'étais vraiment dans cette ambiance-là avec l'animateur qui avait la même voix que l'animateur d'Europe 2 à l'époque, tu vois, qui était là, allez, maintenant on y va. c'était vraiment cette ambiance-là. Et dans Burnout Paradise, par exemple, tu retrouves cette ambiance, quoi. Pour revenir un petit peu en arrière, ouais, avec les Need for Speed, il y en a eu des tonnes, des Need for Speed de sortie. Les premiers qui ont été assez marquants. Après, il y a eu une autre période dans les années 2000 où, pareil, on va se retrouver à la période, même période, et période aussi des Fast and Furious. Et ils ont joué là-dessus avec les Need for Speed Underground et Underground 2, où tu pouvais tuner ta bagnole, tu pouvais donc l'améliorer, etc. T'es toujours de nuit, hein, pour le coup. Et t'avais vraiment une ambiance sympa, je trouve, dans ces Need for Speed. Après, ils se sont un peu perdus. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais il y en a eu tellement. Ils en mettaient une licence tous les ans. Un nouveau jeu tous les ans. FIFA, ça faut pas. Et en plus, c'était plus compliqué que FIFA, parce que FIFA, en fait, ils reprennent une base qui est commune, et ils l'améliorent. Alors qu'en fait, sur les Need for Speed, à chaque année, ils changeaient d'univers et c'était très rapidement développé. Ils changeaient d'univers chaque année. Bah ouais, ou quasiment chaque année. Hein, et t'avais des Need for Speed avec des nouveaux circuits, des nouveaux concepts, etc. Et trop rapidement développé, finalement. Et t'avais des jeux qui étaient pas vraiment finis. Pas au niveau de la concurrence, en tout cas, quoi. Donc il y a eu des très bons Need for Speed et il y en a eu des quand même des beaucoup moins bons. En termes de et puis il y en a eu des plus arcade, des plus simulation, etc. Donc on peut pas se dire un Need for Speed c'est très type arcade ou c'est très simu, en fait. Ça dépend des jeux, quoi. En simulation toujours, alors Grid, j'ai pas mal aimé, moi, à l'époque, qui était très typé simulation. Il y en a eu plusieurs. Ouais, je l'ai. Non, moi j'allais dire c'est Farming Simulator que j'ai aimé. Ah oui, non, mais là, ça n'a rien à voir, là. Ouais, le contre tracteur dans l'échange, je peux dire, ah, ça y allait. Hein. Avec ma soeur, on faisait les courses. Ah, oh, putain. Je te parle de Simu Automobile, il me dit, oh, moi, c'est farming simulator. J'avais mon John Deere, bah, elle avait son, je sais pas. Non, mais, ah, j'ai pas. C'est de la simulation automobile, c'est des tracteurs. Non, c'est de la tracteur. C'est pas de l'automobile. Mais dans Grid, par contre, tu fais bien de le signaler, c'est que t'avais des ovnis. Non, mais t'avais des. Alors, je sais plus, c'est. Non, t'avais pas de tracteur, mais je crois que t'avais un tracteur tondeuse, il me semble, dans Grid. Ouais. Ça doit être sympa, Marco. Sérieux? Ouais, mais le tracteur tondeuse Honda, tu sais, celui qui va à 150 à l'heure, là. Le modifier, mais c'est marrant, ils avaient mis un petit peu des ovnis comme ça. Sinon, il y a eu tous les jeux de F1 aussi. Alors, c'est pareil, il y a eu des merdes, hein, mais F1 Simulator, tout ça. Oh. Ouais, les 99, les 2000, les 2001, les 2002, enfin, les trucs simulation. Il y en a eu des bons, mais voilà, il y en a eu des moins bons avec les mêmes circuits. On reprenait Laguna Seca, on reprenait Monaco, on reprenait. Bah, en même temps, ils reprennent les circuits existants. C'est les meilleurs en même temps, les circuits. Ouais. Après, tu peux changer un peu de la texture sur l'extérieur. À minimum, un peu je sais pas si t'as joué, Théo, mais moi j'ai vachement joué au jeu de MotoGP aussi. Oui, alors j'ai joué un petit peu à MotoGP aussi, ouais. Bon, après, je suis pas trop de roue, mais MotoGP était plutôt agréable. J'ai dû jouer genre à la version 2008, quelque chose comme ça, quoi. Donc assez tard. Les jeux de moto, je préférais jouer en arcade. Ah oui, en arcade. Sur des motos, quoi. Voilà. Ah oui, avec arcade, oui, sur les salles d'arcade, ouais. Ah, c'est ça, ouais, c'est top, quoi. Sur des jeux de moto, sur des motos, quoi. Mais c'est vrai qu'en simulation, jeu de simulation moto, au départ, c'était chaud à contrôler, quoi. Quand t'enlevais toutes les aides électroniques et tout ça, déjà en bagnole, c'est chaud, mais moi j'aime bien. En vrai, je préfère un jeu de simu qu'un jeu d'arcade. Mais quoique Trackmania, j'ai bien aimé. Je l'ai mis dans ma petite liste, mais Trackmania, c'est très arcade. Tu fais des loopings, etc. avec ta bagnole, mais j'ai bien aimé le challenge qu'il y avait dans ce jeu. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour les jeux de simu. Dans le lot, je peux citer WRC en rallye, qui était pas mal. Voilà, qui était assez simulation où tu tombais dans le décor, tu tombais vraiment dans le décor et t'avais un moment avant de réapparaître. Le célèbre. De quoi? You die, tu sais, la célèbre phrase de GTA. Ouais. Tu sais, quand tu meurs dans GTA, ton écran wanted. Il vient. Non. You die. Ah non, ah oui, ah, you die, ah oui, tu es mort. Ah oui, pardon, c'est l'accent qui me manque. Je trouvais pas si nul que ça, mon ami. Je croyais que c'était un seul mot, tu sais. You die, je me dis, ça sinon, fait plus japonais. J'aurais pu te le dire à la franglais, you died. Oui. You are dead. Ouais. Et puis un jeu qui m'a marqué aussi, le premier, parce qu'il était hyper dur, la scène d'entrée était hyper dure, c'est Driver. Driver, donc jeu arcade simu, c'était entre les deux, mais en tout cas au début, dans le premier Driver, il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu Driver San Francisco, Driver, d'ailleurs, ça me dit rien du tout, tu vois. C'est vrai, ça a marqué sur PS1, c'est quelle année aussi, c'est peut-être vieux, non, PC et PS1 pour le premier, et sans manquer de respect aux anciens, attention. Ouais, non mais c'est sorti dans les années 90, Driver sur PS1, il y a eu Driver 2 d'ailleurs aussi sur PS1, et puis après les derniers Driver. Je crois que dernier, ça doit être Driver San Francisco, qui est sorti il y a pas si longtemps, une petite dizaine d'années, je dirais. Je suis même pas sûr, mais je crois qu'il y a un Driver qui est sorti récemment. Ouais. Je sais plus, hein, je vérifie, hein, mais. Mais en tout cas, ce jeu m'a marqué parce que on était tous dans le même genre. Enfin, ce qu'avait le Driver, c'est que la première scène pour débloquer, si tu veux, cet accès, c'était pareil, c'était un monde libre. Hein, et l'accès à la ville et aux différentes missions de Driver, tu avais une mission dans un garage où tu devais faire un ensemble de jeux. De défis, en fait, genre faire un 360 degrés suivi d'un slalom, suivi de quelque chose, et il était hyper compliqué, ce truc. C'est à dire que la moitié des joueurs qui ont eu le jeu Driver, ils sont restés à la scène du garage du départ, tu pouvais pas faire autre chose. En mode mission, tu restais vraiment dans le garage, tu vois, et à faire ta première mission, et t'y arrivais pas. Putain, le truc trop chiant, genre t'es en mode stagiaire, tu bouges pas, quoi. Mais c'est ça, tu sais, genre en principe, dans les jeux vidéo, tu veux l'envoyer en l'air, tu tires dedans, bah, dégage. Mais oui, mais normalement, le jeu vidéo, au départ, ta première mission, elle est là pour une sorte de tuto, oui, tu sais. C'est genre pour te détendre, quoi. Exactement. Pas pour que tu t'arrives à te sauter partout. Et là, mission hyper difficile où tu devais enchaîner tout ça avec un temps donné, etc. C'était, c'est pour ça que t'as commencé à utiliser les codes, tu sais, les codes sur la manette. Avec, tu commençais à cheater parce que t'en pouvais plus de cette scène du garage. Donc tu te passais les cheats dans la cour de l'école parce que, voilà, c'était trop difficile. T'es dessus, là? Ouais, j'ai des infos sur Driver. Alors effectivement, le dernier, il est sorti il y a un petit moment, mais c'est ça l'info que j'avais vu. Il est sorti en 2011, c'est San Francisco. C'est San Francisco, ouais, c'est celui-là. Mais justement, j'ai vu une information là-dessus passer. C'est pour ça que Driver. C'était pas mal, hein, Driver San Francisco. Moi, j'ai bien aimé. Il y a un projet de fans ouais. qui s'appelle Driver Syndicate. Parce que c'est Ubisoft, hein, oui. Pour le coup, je viens de le voir. Là, en 2020, ils ont décidé en fait de refaire un remaster de Driver. D'accord, mais genre du premier ou... Ouais, du premier, je crois. Alors, le premier, je crois qu'il se passe à Miami. Hein, dans mes souvenirs, il est à Miami, dans Driver 1. Bon, j'ai vu le garage, surtout de Miami, mais l'idée, c'est qu'il y avait des palmiers aussi. Ça sera peut-être les mêmes cheat codes, on sait jamais. Hein. Ah, peut-être. J'espère qu'ils feront moins d'heures pour le départ. Bah, en même temps, si c'est des joueurs qui font le... Enfin, qui le remasterisent, il y a peut-être possibilité qu'il y ait plus de bugs ou de voilà. Ouais, clairement. Il y aura peut-être pas ce truc là. Je dis pas qu'ils sont moins pros, mais bah, ils sont moins pros. c'est logique. Mais en tout cas, ouais, Minton Manet, ça m'a vraiment marqué. Need for Speed aussi, parce que c'est l'un des premiers jeux. Mon père avait un ordinateur dans le début des années 90 avec un volant. C'est hyper rare à l'époque, hein, avec Windows 95 et tout. Et il y avait Need for Speed dessus. Et j'étais comme un fou, moi, dans Need for Speed. Pour moi, j'étais dans une vraie voiture et tout. Moi, j'y ai rejoué. Alors, c'est pas Need for Speed 2, je crois. Ouais. Quand tu vois les graphismes, tu fais ça n'a rien à voir avec une voiture. Mais à l'époque, pique. J'étais vraiment dedans, quoi. Ouais. Et ça, ouais. Autre temps, ouais. Il y avait ça, il y avait un jeu, c'était un jeu de. Comment ça s'appelle de. Tu sais, les gros 4x4 là, enfin les énormes, les big foot là. Les big trucks. Ah, où t'écrases des voitures, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as, le jeu s'appelait Monster Truck. Oui, bah c'est ça, Monster Truck Madness. Et c'est pareil, c'était un des premiers jeux que t'avais sur PC où t'avais un monde libre. Bon, après, très clairement, t'avais le circuit au milieu, t'avais le monde libre autour. Le monde libre, c'était des plaines et des côtes. Des terrains vagues. Voilà. Et t'avais un espèce de faux décor, tu sais, au fond. T'avais l'impression de t'approcher toujours du fond, mais en fait, c'était. Il reculait au fur et à mesure, quoi. L'horizon. L'horizon, ouais. L'horizon mais qui était une image fixe. Enfin, à mon avis, tu le voyais sauter, ça faisait. D'écran. Est-ce que je m'en rappelle plus mais en vrai j'y voyais ma meilleure vie, c'est-à-dire que t'étais là avec ton volant, t'imagines moi gamin avec mon volant et ouais. avec mon monstre truc en essayant de gravir des montagnes, tu vois, c'était génial et pas de problème de carburant pas de problème de mécanique, rien, juste toi et ta voiture, c'est ça mon monstre truc. Non franchement c'était cool à l'époque, c'était génial. Aujourd'hui on jouerait à ça, on dirait mais les décors ils sont vachement vides, y a rien à faire, etc. Il y avait vachement de pixels aussi, mais c'est sûr. Ouais. En parlant de jeu, oui. On va jouer dans un petit jeu. Ouais. Je propose qu'on écoute une petite musique avant. Allez. Ouais. Allez, Love the Sound of Silence. Alors ça va pas être le son du silence qu'on va écouter. Hein. C'est le titre. Ouais, Sound of Silence. Le titre de Kill Mr. DJ. Ouais, c'est un bootleg. Ah bah on écoute. Il y a Sandman and Garfunkel à l'intérieur. C'est joli. PK Avengers sur Indestar. Ah mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Ah oui, t'es pas un robot, mais on l'a déjà entendu. oui, on l'a déjà entendu. Mais c'est pas très grave. Si vous avez suivi l'émission depuis le début, donc ouais, les PK Avengers, de 21 à 23h, mais non, du coup. Un peu plus. Ou un peu plus. 23h plus minuit, du coup, là. 23h32 déjà, ouais. Et plus si affinité. Mmh, c'est mais ça. Moi, je commence à être fatigué, je m'endors sur mon siège. Ah, mais faut pas, parce que. Pourquoi Jolan, faut pas, parce que, écoute. PK Avengers, c'est comme. Dans Duke Dumpkin. Oh ouais. C'est l'heure de botter des culs. Aïe, là, c'est l'heure de botter des culs. Effectivement. Alors, Théo, tu nous as préparé un petit quiz. Ouais, exactement. Un quiz donc sur le thème du sport, évidemment. Ouais, c'est bien joué. Oh, yeah. C'est fort. Wow. Un point chacun. Allez, c'est bon. Je rappelle le jeu. Donc, ça va être Eric qui va jouer contre moi. On a chacun nos petites ardoises. On va écrire la réponse. Oh. Et Jolan devra valider ou pas. Voilà. Ou... Ah, c'est moi qui valide en plus. Non, tu devras valider ou pas, mais tu pourras aussi proposer une troisième réponse. Non, Yann, dis pas la réponse tant que t'as rien dit. Théo. C'est qui, Yann? Alors, des fois, il y a trois possibilités. Des fois, il y en a quatre. Hein, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai 15 questions. Hey, je peux compter les points ? Oui, tiens. Oh, merci. Tiens, je te donne une feuille. T'as feuille j'ai, de j'ai sujet. Ouais, j'ai la feuille. Ouais. J'aurais bien voulu un vrai stylo, mais c'est pas grave. Ah, mais si, j'ai un vrai stylo. J'ai un vrai stylo. Hop. Alors, on commence. Attends, ouais. Est-ce que je peux prendre une musique qui fait un peu. Qui fait peur. Est-ce qu'on a le droit, on a le droit de mettre du Rocky ? Ouais, qui fait peur. Ouais, The Tiger. Alors, attends. Je vais avoir une musique qui fait un petit peu. Combat, fight. Ouais, non, un petit peu jeu, quoi. Alors ça, ça voilà. Fait qui veut gagner de l'argent en mars. Ça fait surtout existe ligne. Ou n'existe que vous pouvez retrouver dans Actu Solide tous les lundis. Oh la petite promo. Bien. Calme. Et à chaque fois que vous aurez une réponse, petite promo. Tu vois. La petite virgule qui va bien. Alors d'accord. On commence avec une question de football. Football. Qui est Zlatan Ibrahimovic? Est-ce que c'est un joueur de football, suédois? Est-ce qu'il est serbe ou est-ce qu'il est croate? À votre avis, Kikido? Je suis pas sûr de moi. Alors, Jolan, est-ce qu'il est suédois, serbe ou croate? Je crois qu'il est croate. D'accord, pour toi, il est croate. Pour Eric? Suédois. Il est suédois. Et c'est la même réponse que Teddy, ouais, qui est la bonne réponse. Ouais. Ah, Jolan, t'es mauvais. Hein. Il a vraiment une tête de suédois de viking. En fait, on pourrait compter tes points et en fait, t'aurais zéro quand même. Mais je t'en... Non, je l'ai pas dit. Ça fait un point pour Teddy. Je t'embrasse, c'est ça. Un point pour Eric. Oui, c'est ça, voilà. De toute façon, on sait que Jolan... il aurait perdu. Va faire. Quelle est la périodicité des Jeux Olympiques d'été? Est-ce que c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans ou tous les 4 ans? Ah, j'avais pas mis ma petite virgule. Virgule. Oh le chien, putain. Merde. Alors, Jolan, 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Les Jeux Olympiques d'été. Je crois que 4 ans. Pour toi, ça serait tous les 4 ans. Alors, Teddy, Tabi, les 2 ans. Merde. Ah, c'est les 2 ans. Oui, c'est 2 ans. Et Eric, tous les 4 ans. Ah, effectivement, putain. C'était tous les 4 ans. Bravo, Jolan. J'ai hésité. Mauvaise langue, quoi. C'est vrai. J'ai hésité avec les jeux d'hiver. Tu seras pas fanny au moins, t'es. Les jeux d'hiver, ils ont pas la même fréquence que les JO, je crois. Bah, si, ça doit être tous les 4 ans, si les jeux d'hiver. Tous les 4 ans. Ouais. Mais en différé de 2 ans. Bien sûr. C'est ça. Ça veut dire que tous les 2 ans, tu te tapes. Bordel. Mais c'est comme la Coupe du Monde et Coupe d'Europe. Enfin, sauf Covid, hein. Mais c'est tous les 2 ans, enfin non, tous les 4 ans la Coupe du Monde et tous les 4 ans la Coupe d'Europe, ce qui fait mais que... c'est un intervalle, c'est intercalé, quoi. C'est ça. Tous les 2 ans, t'as du footch. D'accord. Du football. Footch. Ah, je savais pas. Ah, c'est du football. Football. Brésil. Voilà. À la fin, c'est Brésil. Oh putain, il y a l'accent. Exactement. Question numéro 3. Lors du Tour de France cycliste, qui est récompensé d'un maillot blanc à pois rouge? Ça fait penser aux chaussettes de Dorothée. Bref. Est-ce que c'est le meilleur jeune coureur? Est-ce que c'est le meilleur sprinter? Ou est-ce que c'est le meilleur grimpeur? Ou est-ce que c'est le meilleur descendeur? C'est vrai, il y a 4 réponses. Non, c'est moi. C'est une petite touche perso. Le meilleur jeune coureur, le sprinter ou le grimpeur, à votre avis? Ah, il met pas de virgule. Hein. Il a oublié la virgule. Jolan, c'est quoi? Je crois que c'est le meilleur grimpeur, il me semble. D'accord, on a le grimpeur. Je crois que tu confonds et avec le maillot. Tu as le sprinter, Teddy. Grimpeur, ah merde. Et c'est le grimpeur. Bravo. Eh ouais, c'est Virenque. Mais du coup, c'est quoi le maillot en moirée menthe? Richard Virenque, c'est ça. Hein. Le maillot jaune, c'est quoi du coup? Le maillot jaune, c'est celui qui a mis le moins de temps à faire le Tour de France en fait. Oh, putain, je l'ai vraiment inversé. Ah, fais chier. Je suis triste. Ça, et ça fait un peu... Qui veut gagner des pognons? Ouais, c'est ça. Ouais, ou vous êtes le maillon faible aussi. Attention, ça se comble. Où auront lieu les Jeux Olympiques d'été? Ah bah non, ah merde, ah bah celle-là elle est passée. En fait, mon cousin... Bah, Lyon. On sera tous confinés. Où ont eu lieu les Jeux Olympiques d'été en 2016? Est-ce que c'était à Rio? J'aurais bien une réponse, mais elle va pas te plaire. Rio de Janeiro. Est-ce que c'était à Chicago ou à Doha? Doha, l'exploratrice. C'est où Doha? C'est dans quel pays ça? C'est pas un pays ça? C'est pas en... J'ai pas compris le dernier. Alors, c'est Doha, la dernière ville. C'est comment dans... Et c'est où? Eh ben, c'est Doha. Tu vois Doha? Eh ben, c'est là. D'accord, ok. Alors, attends, Moyen-Orient. Moyen-Orient, Doha. Moyen-Orient, ouais. C'est quoi du coup la réponse? Parce que la réponse c'était Rio de Janeiro. Ah bah, j'avais pas répondu. J'avais mis Doha, moi. Moi je mets la B. Et bah c'était Chicago, c'était perdu. Ah, merde. C'est dans le Qatar, c'est au Qatar. Ah, c'est Doha. Au Qatar, ouais. Mais j'avais pas répondu. Alors, donc là faut. Putain, j'aurais dû mettre en Moyen-Orient, on fait chier. Qui avait la bonne réponse? Personne. Personne. Bon, ok. Quel nom porte un terrain de tennis? Est-ce que c'est la surface de tennis? Est-ce que c'est la terre battue de tennis? Ou est-ce que c'est le court de tennis? Ah, j'avais écrit avant même que tu le dises. Ouais. Alors, Jolan, c'est la terre battue, évidemment. La surface, pour moi. Un court de tennis. Bah oui, un court de tennis, Jolan. Jolan, le court de tennis. Même moi, je le savais. Donc même moi, je le savais. Mais je regarde pas le tennis, moi. Qu'est-ce que tu veux que mais je non, sache? Mais non, mais tu... T'as entendu parler... ils font du tennis dans un court de tennis. Pas sur la surface de tennis. Mais non, mais c'est qu'ils suivent un court de tennis. Un cours sur le cours de tennis. Ils suivent un cours sur un cours de tennis. Putain, je crois qu'il faut que je me couche. Mais si tu veux, si tu veux des infos sur le tennis, je te conseille de lire ou de regarder le manga Death Note. Mm. Ils s'affrontent sur un cours de tennis. Avant dans Death Note. Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, Eric 4 points, alors que Teddy et Jolan 2 points. Ah, j'ai 2 points. Cool. Oh. J'en avais oublié. Dans quel sport emploie-t-on les termes suivants? Le terme split, le terme spar et le terme strike. Est-ce que c'est à la pétanque? Est-ce que c'est au billard? Ou est-ce que c'est au bowling? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il oui. te plaît? Dans quel sport emploie-t-on les termes split, spar, strike? Avec l'accent dans le texte, bien sûr. À la pétanque, au billard ou au bowling? Pour toi, Jolan, c'est au... Merci, Jolan. Au bowling. Ah, c'est bon, il y a un différé de 5 minutes. On a du bowling et du bowling, et c'était oui. Le bowling, évidemment. Juste que je sais pas l'écrire. Du bah, j'avoue que les splits et les spars, j'aurais pas forcément trouvé. Après, le strike, ouais, strike au bowling. Les spars, le spar, ça fait partie aussi du bowling. Il y en a aussi au golf. Oui, le spar. Le spar, ouais. Oui, d'accord, il y a le spar et le strike. Au golf, c'est le par. C'est pas le spa. Ah, oui, ah c'est pas le même. T'as le birdie aussi. Le birdie. Ouais, ah, non, ça c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Oui, la reprise aussi, de birdie. C'est ça. Et pourquoi j'ai plus de son. Mais il va arriver, il va revenir. En rugby. Le son de quoi? Bah, le B. Des moi, virgules. Bah, attends, pardon. Des virgules, d'accord. Attends, il va revenir. Oula, t'as de la révèle. En rugby. Bête. Quel pays? Voilà, bientôt. Canard lâché. En rugby, quel pays ne participe pas au tournoi des 6 nations? Oh la vache. Oula. Est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Espagne? Est-ce que c'est l'Italie? Ou est-ce que c'est le Portugal? Mais t'as combien de réponses comme ça? J'ai rajouté le Portugal. Parce que j'aime bien le Portugal. Ah, mais c'est. Hier, l'avant-dernière? C'est sûr. L'avant-dernière était l'Espagne. Angleterre, France, Espagne ou Italie, à ton avis? Espagne. Pour Espagne, toi, Espagne. C'est l'Espagne, la réponse ouais. C. On a Espagne pour Teddy et on a... Qu'est-ce que c'est marqué là? Espagne aussi. Vous avez tous les trois un point parce que c'était évidemment mais oui, l'Espagne. C'est sûr, je les aime pas. Eh ben messieurs, je suis à 3 points. Ouais, non, 4 points, je l'ai. Alors, je vais montrer à la caméra nos super ardoises. Le stylo n'efface pas grand chose, hein, j'avoue. C'est des stylos qui ne s'effacent pas. Ça en chie un peu, mais ça marche. Ça marche, bon. Il nous reste 5 questions pour vous départager avec une avance confortable d'Eric de 2 points pour le moment. Depuis quelle année le badminton est devenu une discipline olympique? Parce que c'est une discipline olympique. Oui, monsieur. monsieur Eric. Bonjour. Discrimination du bad. De manière olympique. Alors, est-ce que c'est en 1980, en 92 ou en 2000? Le badminton se joue olympique aux Jeux Olympiques, pardon, depuis 80, 92 ou 2000. Pour toi, Jolan, c'est première. 80. D'accord. 80, ouais, moi je dirais. Oh, t'es optimiste, hein. Alors, 2000 pour Eric. Bah, toujours être optimiste, et mon ami. 2000 pour Teddy. Ouais. Et ben non, c'était 1992. 92. Personne n'a la bonne réponse. Pas loin, chier. T'étais juste à 12 ans près. J'étais pas loin. Non mais non. Pour avoir fait du badminton, c'est vrai que c'est un sport qui est souvent sous-coté. On pense tous que c'est un sport loisir et tout ça, qu'on s'amuse. Bah, pour en avoir fait un petit peu dans la marine. Ah non, non, c'est pas dans le sous-marin, tu faisais du badminton? Non, quand on était à terre. D'accord. Tu cours en fait. C'est ouais. Très physique. C'est le deuxième sport où tu dépenses le plus d'énergie lors d'un match. Après le tennis? Non, après le. Ah bah ouais, c'est physique. Ah ouais. Mais c'est bien plus physique que tu peux l'imaginer. Par contre, la balle, elle est vachement moins lourde. Mais j'ai fait une heure de séance, j'en pouvais plus, moi. Ah bah oui, ouais. On est d'accord. Il y a... Putain, c'est quoi le... Ah, la... pas la pelote basque, mais si, un truc que tu joues contre le mur, je crois. C'est... Oui, c'est ça, la pelote basque. Basque. Ça, ça utilise encore plus d'énergie. Et la pour en refaire aussi. Chistera, c'est ça que tu peux dire. Peut-être. Regarde. Et ça, t'en chie aussi. Question numéro 12. Et c'est le... Oui. Pardon. Quel est le seul pays d'Amérique du Sud qui accueille un grand prix de Formule 1? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est l'Argentine? Ou est-ce que c'est le Chili? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est l'Argentine? Le Brésil? L'Argentine ou le Chili? Ah, j'ai pas l'accent. C'est le seul pays d'Amérique du Sud qui accueille le grand prix de Formule 1. Est-ce que pour toi, Jolan, c'est le Brésil, l'Argentine ou le Chili? Attends, je réfléchis. Mais c'est le Chili con carne, parce que Chili Turismo... Oh la vache. On attend que Jolan réfléchisse. Hein. Non mais c'est le Brésil, j'y réponds. Ah, t'as abandonné le Brésil, pardon. On l'avait pas entendu. Le Brésil, pour ouais, bah écoutez, bonsoir. J'avais mis A, du coup. T'avais mis A, le Brésil. Et bah vous avez tous les trois une bonne réponse. C'était le Brésil. Oh, la chance. J'ai hésité avec Argentine, ouais, en plus. C'est normal, parce que les Brésiliens, ils parlent portugais. J'aime bien le portugais. Bon, aux États-Unis. Qu'est-ce que la NBA? Oh, oh, est-ce que ça veut dire la National Basketball Association? Ah, moins dur. Est-ce que ça veut dire la National Box Association? Ou la National Baseball Association? L'accent. Il est chiant, putain, il prend même un accent, merde. Allez, Jolan, tu peux le faire. C'est l'accent texan. Bah, c'est la A. Hein. C'est la Basketball Association. Effectivement, c'est la bonne réponse. Vous aviez tous le basket. Bah, bien sûr. C'était facile, hein. Avec comment il s'appelle le joueur? Tony Parker. Michael Jordan. Ouais. Ouais, bah les deux. Ouais, non, il est mort lui. Qui? Michael Jordan. Il est pas mort, Michael Jordan. Ah, raconte, il fait encore des trucs, le gars là, c'est une légende vivante, on l'aurait vu. Bah, attends. Hein. Non, il y a pas un basketteur qui est mort il y a pas longtemps. Non, c'est pas lui. Il y a quelques années, ouais. On jouait au foot. Non, dans un crash d'hélicoptère, je crois. Ah non, ça c'est Daniel Balavoine, ça c'est rien. Mais putain, non, mais je dis pas de conneries, il y a vraiment un basketteur qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Bah, tu sais quoi, recherche-le sur ton truc et dis-nous-le. Ouais. Attends, je crois que j'ai le nom, mais je suis pas sûr. Bon, en attendant, 14ème question. Avant, dernière question, attention. Plus qu'un point d'avance pour Eric, attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 2 points, 2 points d'avance, toujours. 2 points d'avance. Quel est le revêtement d'un terrain de curling? L'asphalte. Est-ce que c'est la glace, l'eau ou la pelouse? Tagadagadam, tagadagadam, tagadagadam, pom pom pom pom. La pelouse, dirais moi. Et pour répondre à la question précédente, c'est Kobe Bryant qui est décédé en crash d'hélicoptère. C'est un basketteur, ah ouais. Et c'est un ancien basketteur, hein. Il est mort en 2020. Okay. D'accord. Bien joué. Pour moi, le dernier. Voilà. Ah, mais je me suis moqué de lui avec Valérie. Ils ont vachement parlé en fait. Si, ouais, t'as. Ouais, bah ils lui ont rendu hommage et tout. Mais je m'appelle. Moi, je ils lui ont rendu hommage et tout, hein, pendant les matchs, les gros matchs. Ah ouais. Ah bah. Ouais. Alors, le revêtement d'un terrain de curling, pour Jolan, c'était la pelouse. Pour Eric, c'est la glace. Et pour Teddy, c'était. La pelouse aussi. Parce que je vois pas le curling. Le curling, c'est le truc où avec le tu frottes devant un gros truc. Ah oui, t'as un palais où tu dois tirer dedans, ouais, et les autres ils sont là avec leur palais brosse. Alors le palais, ça se joue sur la glace, évidemment. Ah putain, fais chier, il a raison. Bah oui, évidemment. Bah oui. 15ème et dernière question. C'est marrant, et on sait déjà que Eric a gagné. Contre qui a combattu Mohamed Ali lors d'un combat mémorable se déroulant à Kinshasa? Michael Jordan. Non, Mohamed Ali, mais non, mais. Mais j'ai cru, c'est pas possible. Est-ce que c'était contre. Et j'ai bien Tatéo qui répond. Chuck Norris. Est-ce que c'était contre George Foreman? Est-ce que c'était contre Sonny Liston? Est-ce que c'était contre Michael Moorer? Ou est-ce que c'était contre Eric Félix? Ou Rambo? Moi je vote pour Rambo. Rambo, il s'appelait comment le A, George? George Foreman. Moi je dirais Michael, je sais plus comment là. Michael Moorer. George, moi je le sens bien, George. Moorer, ouais, c'est ça. Ouais. Non, pourquoi? J'ai confiance en George. On a du. J'ai mis George. Letterman. George Foreman, ok. Et Teddy, tu étais pour. J'ai mis la A. C'est George aussi, je crois. George Foreman, ok. Personne pour Eric Félix, hein? Non. C'est qui lui? Eric Félix. Non. Ouais. Ah oui. Bon, ok. Oh, comme elle est bien trouvée. Et bah, la bonne réponse était George Foreman. Foreman. Ce qui fait. Foreman. Foreman, Foreman. Foreman. Ok. Balance les scores. Alors, score, laisse-moi compter. Vas-y, à ta gauche, mais dans le studio, du coup. 10 points en number one. Nous avons bien entendu Eric. Ouais, bravo, bravo. Je te tire mon chapeau. Je te tire mon chapeau. Je fais une ovation tout seul. Attends, t'as eu un point là, Teddy, hein? Ouais. Ok. Deuxième position, Teddy, avec 7 points. Ouais, ouais, c'est un petit ouais hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas la moitié en plus. Et bon, certes dernier, mais quand mais même. Pas Fanny, mais pas Fanny, mais pas Fanny. Mais voilà, avec un score raisonnable de 6 points, Jolan. Oh bah ça se tient, ça va. Ouais, hein, ouais, joué. Bravo Jolan. T'as gagné le droit de venir participer avec tout seul. J'ai eu combien de points? J'ai pas eu. Mais j'ai pas compris. 6 points. Ah, 6. Juste 6. Un de moins que Teddy. Non, mais tu sais que Jolan nous manque dans les records Actu Solide parce que à chaque fois on est obligé de nous donner de perdre, de donner de notre personne parce que l'année dernière on savait que de toute façon voilà on pouvait compter sur Jolan pour compter sur Jolan pour bah pour faire le record en tout cas. Quoi. Alors que cette année, il était toujours volontaire. cette année on tourne donc de toute façon on n'a pas le choix. Ah d'accord. Bah d'ailleurs, Starter, enfin non, Actu Solide, vous le retrouverez lundi. Ouais. Lundi avec l'émission Starter, ou qu'on te retrouvera aussi dedans avec Jolan. Non, sans oui. Oui, si, oui, pardon. Ah oui, alors. Oulala. De quoi, non, tu non, vas-y, dis-le. Non, non, voilà. Mais c'est si, parce qu'il Jolan, enchaîne les émissions, voilà. C'est pour ça, j'y étais pas. Il sera peut-être présent physiquement, c'est ça qu'on veut oh, dire. Bah, il sera forcément présent physiquement, évidemment. Ça ira mieux. Bah, évidemment. Bah, il serait pas, ouais. Il va pas nous faire le coup toutes les semaines, tout de même. Mais. Non, bah, le coup de quoi? D'avoir la coulante? On dit la chiasse en français. Non mais la coulante c'est encore pire je crois. Envie de popo. Ouais. Bah, bref. Non mais je crois il est minuit passé, je peux me permettre de le dire. Ouais. Bon. Oui bon, ok. Non il est pas minuit passé, 23h50 quand même, Dune. Ouais. Ouais. Dans tous les cas on va se retrouver demain de 21h à 23h. Il y a Vita Conso avec Linda, moi, Jolan, Dominique, Antoine, je crois que ce sera tout pour demain. Ah non, il y a beaucoup Dominique. De monde demain, je ouais, crois. Ouais, je sais plus. Non, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine pas prochaine. Mal de monde. Ouais. On est pressenti 6 ou 7, je crois. Mm-hmm. C'est pas mal. C'est comme dans PK Avenger, d'ailleurs, la semaine prochaine, ça sera le thème médiéval fantastique où qu'il y aura. Alors, ah, je sais pas si vous aurez appelé. Ou que oh là ah, là. Ou que il y aura ou que. J'adore mon français. Ouais. Envoyez-moi des likes. Enfin, je sais je pas. Je voulais juste faire une petite parenthèse que ouais. On a mis en place un deuxième studio pour respecter les mesures d'hygiène Covid. Ah oui, hein. Évidemment. C'est-à-dire que oui, on arrive à être 6 ou 7, mais dans deux studios différents. Voilà. C'est ça. Ce qui nous permet quand même de faire des émissions hein, malgré tout, mais voilà. Pour le moment, juste qu'on c'est pas grave. On est encore pour avec le moment vous. Parce qu'on a la chance nous en Indre-et-Loire, Centre-Val-de-Loire, de mais de pas être confiné, de ne pas nous avoir pas le. On fait des bisous à ceux qui salut le sont. Salut la métropole. Mais ils le sont pas encore, hein, ils le seront à partir de ce week-end, mais voilà. Parisiens. Ça va pas être facile. Et puis moi d'ailleurs, j'ai fait des bisous à ma sœur qui habite à Toulouse, qui a le couvre-feu. Voilà. D'accord. Ah, ça s'est calé. Les Peak Avengers, je disais, on va se retrouver jeudi prochain avec une émission à thème médiéval fantastique. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura des nouvelles personnes, il y aura Laura, une nouvelle sur une des stars. Ouais. Vous ne l'avez pas encore entendu, on va voir ce que ça donne. Il y a Cindy. Alors ah, ça, Cindy si vous avez suivi. Un petit coucou, la grande fan d'Harry Potter. Ah, oui, on avait fait une grande spéciale. Notre record dans Peak Avengers de temps d'émission, c'était à la spéciale Harry Potter de c'est l'année dernière. De Harry Potter. Mais parce qu'on ne l'arrête plus, Cindy, quand on parle oui. D'Harry Potter, elle a fait des fanpics, c'est comment ça s'appelle ? Une fanfiction. Fanfiction, ouais, elle a fait 2 tomes d'une fanfiction, genre elle a fait 1000 pages sur Harry Potter, quoi. Ouais, alors c'est même pas que bah, sur Harry Potter, en fait c'est sur les histoires d'Harry Potter, mais vu sous l'œil de Drago Malfoy, son rival, on va dire. D'accord, ok. Donc, mais c'est elle qui les a écrits. Ouais. C'est génial. C'est on a une écrivaine, on a hâte de la revoir. On a un second en sport. Sur internet, elle avait dit non ? Hein ? Oui, normalement ils seront disponibles à un moment donné sur internet. Je sais pas s'ils le sont maintenant. Elle les ou pas. A pas envoyés à JK en ligne ? Ça, je sais pas. Ouais, en même temps, elle non, mais ouais, elle devrait. Peut-être. Ça publié, mais en tout cas, ouais, c'est cool. Dans tous les cas, elle sera sans doute présente la semaine prochaine parce qu'on sait jamais hein, avec le Covid et tout ça. Oui, oui bien sûr. Toujours à chaque fois sous réserve. Il y a un jeu, je crois, dans les vidéos sur le site indestar.fr où on peut vous retrouver en faisant une bataille de je sais pas trop quoi là. Non, de jeu de. D'Harry Potter là. Avec la baguette. Là. Ah oui, une bataille de. Ah, oui. Il y a un podcast de l'année dernière, effectivement, où on faisait. Okay. Je sais pas. J'ai dit ou que vraiment. D'ailleurs, je vais perdre au premier tour, moi, comme par hasard. je peux pas dire ou que, du coup. Non, quoi, on le était jeu en cercle, oui. On avait nos baguettes magiques et on devait faire une bataille de sorciers, quoi. Ouais, mais ça avait un nom particulier, c'est un nom ce jeu-là, non ? C'est une bataille de sorciers. Ouais. Ah, je sais plus. Bon, ouais. Bref. Non, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. On l'avait fait à une. Sauf que moi, le baguette, j'avais une louche. C'est pour ça que t'as perdu. Ah, en c'est même temps. Pour ça que t'as perdu, forcément. Oui. Bah, j'ai mon cul. Il m'a dit tiens, c'est ta baguette. Je fais, à quoi? Ah. Bon, je pense qu'il va être temps de raccrocher l'antenne. Ouais, laisse-moi le temps, ouais. Laisse-moi le temps d'écouter de la musique. C'est quoi qu'on écoute? Le titre de Nina Attal, Laisse-moi le temps. Je te laisse le temps. Vas-y, tu as le temps d'appuyer. On a encore 7 secondes. Voilà, on a le temps de faire des bisous. 3 secondes pour dire au revoir. À demain. Bisous, bisous. Tchou. J'adore cette chanson, j'adore cet artiste. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.